Bonjour, bonjour, tout le monde, venez ici, venez ici, Merci. Venez ici. Tout le monde de la maison, allez, allez, allez, tout le monde ici. Oui, Coco. Tout le monde ici, tout le monde ici. Chacun s'assoit. Téléphone fermé, allez, allez, allez, allez. Où tu pèses là? Comment vous êtes en rouge comme la dame dans le film là? En rouge, en rouge, en rouge. Ah. Tout le monde ici, tout le monde ici, tout le monde ici. À toi, la gloire, ô ressuscité. À toi, la victoire. Éternité, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. Courbons nos têtes, prions. On veut prier, n'est-ce pas? Tendre Père, nous voici au-devant de toi. Merci d'avoir commandé ces choses, Père, et c'est toi qui les passes à l'exécution. Merci pour la restauration que tu opères dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout, oh Dieu, gloire, les portes ouvertes par l'ennemi dans nos vies que tu fermes. Et merci pour les portes de nos vies que tu ouvres, que l'ennemi avait fermé. Et je prie, Père de gloire, que tu manifestes ta gloire et ta puissance et que tu délivres tes enfants qui étaient tenus captifs par l'ennemi, par manque de connaissances ou quelque domaine que ce soit. Je prie, Dieu de gloire, que tu les délivres physiquement, Père de gloire, et que tu manifestes ta puissance dans nos vies. Je prie, oh Dieu de gloire, que tu touches notre âme, que tu touches notre cœur, que tu touches notre pensée, afin qu'elle soit renouvelée pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va prendre Luc chapitre 11, on va commencer. Je vais vous dire quelque chose d'important. Et puis, dans le déroulement de ce que je vais dire, je vais vous expliquer le pourquoi on est en train de dire ces choses, c'est comme la manière dont on est en train de te dire. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Salut ton voisin, dis-lui bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Dis bonjour voisin. Bonjour, voisin. Si vous ne connaissez pas que c'est un frère ou c'est une soeur ou c'est un frère, le voisin c'est mieux. Pour avoir un voisin ou bien une voisine dangereuse. Luc chapitre 11. Vous y êtes, on lit. La Bible déclare à partir du verset 1. Écoutez très attentivement. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il a dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. » Donc ça c'est le briefing de ce que c'est ce qui se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 6. Mais la Bible nous donne le renseignement ici que si vous regardez, nous sommes au chapitre 11 ici et depuis le chapitre 6 à partir du verset 12, le Seigneur Jésus-Christ va prendre le temps de choisir ses disciples après avoir prié plus de 12 heures de temps dans la nuit. Il choisit ses disciples, il marche pendant des années. Et c'est un jour que un des disciples vient poser la problématique au Seigneur Jésus. Il dit, Seigneur, apprends-nous à prier. C'est vrai que si ce n'est pas Dieu qui apprend à quelqu'un à prier, on va prier mal. Donc je vais parler des mauvaises prières que nous faisons et ses conséquences. Les mauvaises prières que nous faisons et leurs conséquences. Ça veut dire, si on ne prie pas de la bonne façon, nous pouvons avoir des problèmes dans la prière. Et c'est le pourquoi nous nous tenons ici ce matin réunis ainsi. Je vais vous expliquer le pourquoi. L'une des prières dangereuses que les chrétiens, je dis maintenant entre guillemets, le font, c'est la prière à Marie. On va d'abord parler de la prière à Marie. Nous allons expliquer cette prière-là et dire le pourquoi c'est dangereux avant de toucher le deuxième volet. Voilà. Donc, le thème c'est quoi déjà? Les mauvaises prières. C'est ce qu'on a dit, non? Si à vue d'œil comme ça, on a raté même le thème de prière alors qu'il vient de rajouter, c'est que c'est très grave. Il dit, de mauvaises prières et ses conséquences. Et ses conséquences, c'est ce qu'il dit. Voilà, donc je crois que ici, là, nous serons servis. Si bon, est-ce qu'on peut prendre encore? Bloquer un peu ta chaise, s'il te plaît. Donc, si ça va. Voilà, avec cette documentation, ça va nous servir de base. Ici, nous nous trouvons avec la 7e édition définitive des neuvaines de protection spirituelle et de libération. Ça, c'est. Vous en voir là. Par exemple, il faut se prier contre les attaques occultes et les maléfices de la sorcellerie et de l'exotérisme. C'est ici édité par des évêques catholiques. Ça, ça vient du Bénin, évêque de Porto Novo. Monseigneur René Marie Eouzo. Voilà. Donc ça dit que d'après ce qui est écrit, vous voyez, ça va livrer des prières. Voilà. Et dans ce livre de prière, on peut donc voir, ça dit dans ce livre de prière, on dit, quel est le titre là déjà? Oui. Protection, neuvaine de protection spirituelle et de libération. Voilà. Donc, vous y voyez. Voilà. Donc, je vais lire un exemple. Je crois que on fait mieux quand les sessions vont passer comme si c'est concernant. On va voir cela dans la deuxième partie. Deuxième partie, nous allons voir. Voici encore une deuxième. Prier avec Saint-Michel. Ça va nous toucher dans la deuxième partie. La deuxième partie, donc, qui concerne ce que nous avons à faire ici. Écraser les ennemis qui bloquent votre destinée. Ah ben c'est grave. C'est comme ça, c'est la manière pentecôtiste de faire ici maintenant. C'est grave, si je fais des prières, je renverse et j'écrase tout le jeté satanique. Ça, on va s'occuper de ça. Nous avons ici devant nous le livre la Tobe, d'accord. Ça c'est l'édition catholique de la Bible dite, une des versions dites de français le sait. Donc, nous allons ouvrir particulièrement le livre de Luc au chapitre 1. Oui, Luc chapitre 1 là. Luc au chapitre 1. Voilà. Quoi que trouve la Bible à cette femme là, non? Ouvre là-bas. Luc chapitre 1, à partir du verset 26. À partir du verset 26, nous allons lire quelque chose. J'ai lu dans la version Tor. La Bible déclare le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Je veux que vous notiez la phrase envoyé par Dieu, parce que dans la deuxième partie, c'est ça qui va nous concerner pleinement. Et je vais vous dire le pourquoi c'est ainsi. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Donc on dit l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel est envoyé par Dieu dans la deuxième partie, parce que nous allons prendre deux parties. Je vais d'abord m'occuper du cas Marie. Et puis on va toucher ce deuxième cas-là par la suite. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit, écoutez très attentivement, dans la version catholique, Luc chapitre 1, verset 26, nous sommes maintenant au verset 28. Ici, on cite là la parole de l'ange. L'ange entra auprès d'elle et lui dit, sois joyeuse, toi à qui la faveur de Dieu, le Seigneur, est avec toi. Vous y êtes, sois joyeuse. Il lit dans la version Tor. Je crois que c'est l'édition Serve Biblio. L'ange entra auprès d'elle et lui dit, sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. de façon moderne, vous y avez été calé, qu'est-ce qu'on commence, on dit ça souvent. On dit quoi, maman? Quand on dit l'ange, ah, l'ange a vu Marie, il a dit quoi? Sois joyeuse. Mmh. Donc, ça veut dire que le Seigneur l'a choisi. Mmh. Pour obtenir ses miracles. Mmh. La Bible déclare, verset 29, à ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Donc, on parle de l'annonce ici, l'annonce de la naissance de Jésus, et ça fait objet de culte catholique, l'annonciation. Et cette annonciation a donné lieu à un style de prière, un rituel liturgique dont on appelle la prière à Marie. Je vous salue. Alors, je répète un peu sa voix et on va voir. C'est ça dont on va parler maintenant. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Elle peut parler plus fort que ça. C'est sûr. Allons-y. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Oui. Le Seigneur est avec vous. Oui. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mm-hmm. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, même quand tu meurs, Marie prie pour toi. Quand tu répètes cela, c'est de ça dont j'ai question. Quand toi tu répètes cela, tu penses que c'est normal? Donc, comme tu ne sais pas, nous allons savoir maintenant, d'accord? On va d'abord vérifier dans la Bible si c'est comme ça que l'ange l'a salué. Parce que le simple fait qu'on dit, je vous salue Marie, toi à qui, je ne sais pas comment. Je vous salue Marie, pleine, pleine de grâce. On va s'arrêter là-bas. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Voici la version catholique qui dit, nous sommes verset 28. Je crois que là-bas, le même verset, le verset 28 là-bas dit quoi? Parvient à voir là. Le chapitre. Oui, attends, il faut que je voie. Verset 28. Vous ne pouvez pas progresser dans une vie spirituelle avec le mélange. Ça ne marchera jamais. Vous ne pouvez pas porter l'eau savonnée ou verser dans l'eau propre et pour vous essayer de boire. Vous ne pouvez pas prendre les livrets ou verser avec le vrai. Ça ne peut pas marcher. Dans le champ, le blé est arraché, l'ivraie est arraché, l'un est mis au feu, l'autre est mis au grenier. On ne mélange pas au grenier le blé avec l'ivraie. On ne met pas au feu le livret avec le blé. Ça doit être distinct. Souvenez-vous de là, on a commencé dans Luc chapitre 11. Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Donc, on doit apprendre à prier. Il y a une façon de prier. Donc, dans ces cas, ça veut dire que si on n'a pas appris aux gens à prier, ils vont prier mal. Et il y a les conséquences de prier. Parce que quand on prie, on s'adresse à une divinité. Voilà le danger. On s'adresse à une divinité. Que tu en sois conscient ou pas, quand on prie, on s'adresse à une divinité. Quand il dit une divinité, ça se pose donc aux esprits. Ou mieux, à un esprit. Et là, puisque l'univers est plein des esprits, n'importe qui peut se présenter lorsqu'on ne connaît pas ce qu'on a de faire. Parce que la prière, c'est une porte, une ouverture dans des dimensions dont on ne maîtrise pas. C'est ça en réalité la prière. Il recommence encore. La prière, c'est l'ouverture, c'est la clé pour ouvrir des dimensions dont on ne maîtrise pas. C'est donc pour cela qu'on on parle des incantations. L'incantation, c'est une prière. C'est-à-dire, vous allez chez quelqu'un, il fait quelque chose sort. Il a ouvert une porte quelque part, une dimension, il a pris quelque chose pour amener. D'autres font, après, il te dit quelque chose. D'autres te donnent des recommandations. D'autres te disent donc que quand tu arrives à la maison, fais comme ça, en faisant comme ça, telle chose va arriver. Donc, il te dit, en réalité, ce qu'il te dit, c'est que je te donne la clé, va ouvrir la dimension et prends ce que tu as à prendre. Vous savez, toutes ces choses qu'on a de faire, ces récitations-là, qu'on fait là, c'est pour ouvrir. Dans le satanisme, on appelle ça les égrégores. Dans ce champ-là, la dimension. Oh mon Dieu, c'est quel culte nous avons. Alors, tu dis, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Et là, on dit que ça, c'est la salutation. Je vous salue. Je ne sais pas si ça se trouve quelque part. Ça, c'est. Donc, priez pour les hommes au purgatoire. Ça, c'est terrible, ça. Priez à Saint-Joseph. Je suis sûr que ça va certainement se retrouver ici. Priez à Notre-Dame de Pontmain, l'Éternel du sang de Jésus, en l'honneur des principautés. Waouh, on va y aller là maintenant. Neveu à Saint-Michel-Lacan et au cœur des anges. On va trouver l'Éternel Saint-Michel. Bénédiction des sept saints refuge, point d'affront. Prière d'exorcisme. Non, mais c'est quand même terrible. Non, mais c'est quand même grave ça. Alors, ici se trouve l'endroit de la Bible où Marie a eu la rencontre avec l'ange, n'est-ce pas? La Bible déclare au verset 26 que l'ange entra dans sa maison au sixième mois. L'ange fut envoyé vers une vierge de la maison de David appelée Marie, qui était fiancée à Joseph. Il la salue en disant, je vous salue. Marie, pleine de grâce. Tu es sûr? Salut. Et? Je salue. Ah, c'est ce. Non, attends, suis attentivement. Oh, non, attends d'abord, regarde-moi dans les yeux. Je vais redire ce qu'il dit et je te laisse la parole. Tu ne regardes pas ce qui est écrit là-bas, d'accord? Donc, je dis, le verset 26 dit, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé dans la maison de David vers une vierge appelée Marie qui était fiancée à Joseph. Quand il entra dans la maison, il la salue en disant, allons-y, donc continue, Je vous salue. Oui. Femme. Non, il a appelé non. Marie. Marie. Uh-huh. Continue. Non, continue la salutation comme l'ange a fait. Ce qui est écrit ici. Non, laisse d'abord ce qui est écrit. Je sais pourquoi je suis en train de le dire. Dis exactement ce que vous dites souvent. Je vous salue, Marie. Oui. Plein de grâce. Oui. Mm-hmm. Le Seigneur est avec vous. Oui. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Oui. Et Jésus, le fruit de vos enfants, est béni. Ok. Donc, quand l'ange entre dans la maison de Marie, Jésus est enceinte. Marie est enceinte. Comment tu ris encore? Non. Hein? Je crois pas encore, non. Il ne croit pas encore. L'ange vient pour faire quoi à Marie? L'ange vient pour adresser un message. Oui, et le message est quoi? Une bénédiction. Et cette bénédiction, c'est quoi? L'enfant Jésus. Et maintenant, cette récitation-là dit, tu es béni entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles sont bénis. Et Jésus, le fruit de tes entrailles sont bénis. Quand il est entré à la maison, c'est ce qu'il lui a dit. Ouais. Donc tu vois qu'il y a un problème déjà, n'est-ce pas? Parce que Jésus qu'on a appelé dans cette litanie-là, c'est le but même du message, de sa venue. Et c'est quand l'ange, et c'est pour ça qu'on va pas aller dans la Bible. L'ange vient, le but de sa venue, c'est venu lui dire que tu dois être enceinte, que Dieu va te donner un enfant, et cet enfant va sauver son peuple de ses péchés. Mais dans la récitation, on dit que tu sois béni, tu es béni entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est aussi béni. Mmh. L'ange a dit ça. Hein? Mmh. Mais est-ce qu'on doit ajouter quelque chose à la parole de Dieu? Mmh. Et si on ajoute là, ça veut dire que ça vient de qui? Des hommes, on peut dire des hommes et d'autres choses. Même plus comme quelque chose, comme la voiture par exemple. Non. Ça vient de? Non, du diable. Du diable. Maintenant, et si ça vient du diable, et qu'on a dit aux gens de réciter ça, et on récite ça, et remarque bien que c'est la prière entre guillemets qu'on récite le plus. Je ne sais pas combien on récite par jour. Alors, quand on dit, quand vous ouvrez la radio, vous entendez cette chose-là répéter. Le but, si ça vient du diable, le but pour lequel on le fait, c'est quoi? C'est pour honorer le diable. Pour honorer le diable. Donc tu peux dire en clair que quand tu réussis cette femme, tu... Comment elle rit? Bon, applaudissons pour elle parce qu'elle a compris alors. Voilà. Maintenant, tu sais, tu vois tout à l'heure, je t'ai demandé de lire, tu as dit que, de réciter, tu as dit que ce qui est écrit ici. Qu'est-ce que tu as constaté maintenant entre ce qu'on dit et ce qui est écrit? Il y a une différence. Ça veut dire que dans l'autre Bible, il y a les paroles qui ont été ajoutées. Non. La récitation qu'on fait, quand on dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, ainsi de suite. Vous savez, Marie, là, ça ne vient pas de la Bible, ni même de la Bible catholique, puisque je tiens la Bible catholique, entre même. Bah, c'est ça que j'ai encadré là-bas. Ça se trouve nulle part. La parole dont on récite en disant que je vous salue, Marie, pleine de grâce, ça se trouve pas là-dedans. Marie est-elle pleine de grâce? Lis là-bas le verset 26, voilà. Dans la version, quand tu as fini de lire dans la version Louis II, je vais lire dans la version Louis II. Mm-hmm. Allons-y. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Oui. Le nom de la vierge était Marie. Oui. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Stoppons là-bas. Tu vois la différence des mots, n'est-ce pas? Satan, pour faire du mal aux gens, n'a pas besoin de déplacer le bleu en noir. Non. Il déplace seulement le bleu en bleu foncé. Pour que ça crée la confusion. Tu vois cela? On voit toujours le mot grâce là-bas. Le mot salutation là-bas. Mais amplifié dogmatiquement et diaboliquement. Ici on dit, toi à qui une grâce a été faite. Maintenant, voici deux personnes qui se tiennent au devant de moi. Je vais saluer celui-ci, je dis que la grâce lui a été faite. Ça suppose que la source de la grâce est extérieure à lui. Lui, ça veut dire que lui n'avait pas d'abord la grâce, il n'avait pas d'abord la grâce. La grâce lui a été accordée. N'est-ce pas? Maintenant, si la grâce lui a été accordée, ça suppose que ce n'est pas elle qui est la source des grâces. Si on dit maintenant que celle-ci est pleine de grâce, ça suppose que la grâce est déposée en elle. Et c'est d'elle que ça coule la grâce. C'est pour ça donc qu'une autre prière litanique va être développée en disant qu'elle est la source des grâces. Ça veut dire qu'elle dispatche la grâce comme elle veut. Tu vois comment cette seule phrase de la salutation que le Satan a injectée permet de développer des doctrines, n'est-ce pas? On dit, toi à qui une grâce a été faite. Ici, dans la version catholique, on dit, l'ange entra auprès d'elle et lui dit, sois joyeuse, toi qui as la faveur des dieux. Le Seigneur est avec toi. Ils savent effectivement que si mettre faveur sans mettre immérité, ça pose problème. Parce qu'on dit qu'une grâce, c'est quelque chose, une faveur que tu ne mérites pas. Ils font exprès de ne pas mettre immérité. Donc ça devait être sois joyeuse. C'est quoi cette chose qui fait ce bruit ça? Sois joyeuse, toi qui as la faveur imméritée de Dieu. Toi à qui Dieu a fait une faveur imméritée. Ça devrait être comme ça. Vous voyez pourquoi c'est important de voir ces choses, n'est-ce pas? Bon, maintenant, continue dans ta lecture. Verset 29 maintenant. Le Seigneur est avec toi. Mmh. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. Voilà. Donc, on dit qu'elle a été troublée. Donc, ça dit qu'elle ne connaissait même rien de tout ça. Enfin, c'est une vierge. On dit que c'est une jeune fille même. Une jeune fille qui vient d'être accordée en mariage avec quelqu'un. Elle est troublée. Mais l'Église catholique l'exalte au-dessus, au point de l'appeler Mère des dieux. Mmh. Tu vois ça, ma chère? On a fort à faire avec Dieu ici, avec Satan. On dit qu'elle-même, elle est troublée. Mais la Mère des dieux, on l'a élevée, laissons le titre de la Mère des dieux. C'est un autre débat, un autre enseignement là-bas. Mais on dit troublée par cette salutation. Elle s'est posée la question, qu'est-ce que pouvait signifier cette idée de salutation? Entre Marie qui se tient au devant, qui est là, et l'ange qui se tient, qui a la grandeur de puissance? Qui? C'est l'ange. C'est l'ange. Maintenant, aujourd'hui, maintenant, dans notre quotidien, dans notre vécu des religions, qui semble avoir la puissance la plus grande? Marie. Marie. Donc Marie qui était troublée devant l'ange Gabriel se trouve maintenant être la mère de Dieu qui a créé Gabriel. N'est-ce pas? Continuons la lecture. L'ange nous dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Oui. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Oui. Et voici, tu deviendras enceinte. Oui. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Oui. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Oui. Le Seigneur dit, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Voilà, arrêtons-nous là-bas. Où est-ce que l'ange Gabriel a dit que tu es béni entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles sont bénis? Il a dit ça, hein? Ok. La Magnifica, ou bien la salutation faite à Marie par l'ange Gabriel, et lorsque Marie va aller visiter Élisabeth, où il va dire tu es béni. On va quoi qu'on va lire. Allons-y à partir du verset 39 maintenant. C'est toi, toujours toi qui lis. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et m'est-il accordé... » Comment? Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes. » Stop. On dit « Tu es bénie entre... » Les femmes. La prière dit quoi? Tu es bénie... Entre toutes les femmes. Il y a un problème, n'est-ce pas? Tu es béni entre les femmes et tu es béni entre toutes les femmes. Encore qu'elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Parce que ça, cette fois, ce n'est pas l'ange qui est en train de parler. C'est Marie, c'est quoi? Élisabeth. Élisabeth qui est en train de parler. Il dit, dans la version catholique, on dit, tu es béni plus que toutes les femmes. La version catholique, il dit. Tu es béni plus que toutes les femmes. Béni aussi est le fruit de ton sein. On continue. Là, on a dit qu'elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle dit... Tu es. Verset 42. Tu es béni entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. La haute voix, mon enseigneur. Tu es béni entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Oui. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Oui. Car voici aussitôt que la croix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli. L'allégresse dans mon sein. Oui. On s'arrête d'abord là-bas. Donc nous voyons que première chose, on dit que elle fut remplie du Saint-Esprit. Donc Élisabeth ne connaissait même pas que Marie a rencontré l'ange. C'est un acte du Saint-Esprit, ça a touché Élisabeth. Oui. Elle a commencé à réagir comme ça. D'accord. C'est pas quelque chose qu'on personne l'a informé. Parce qu'à l'issue de la rencontre entre l'ange et Marie, l'ange va l'informer justement que voici Élisabeth, ta parente à qui on disait qu'elle était stérile, est à son sixième mois. Donc, elle lui donnait les renseignements que si tu veux en vouloir douter, sache que même ta tante, même qui était stérile, elle est déjà à 6 mois de grossesse. C'est pour ça qu'elle s'est déplacée pour aller vers elle. Donc, elle arrive subitement, oh bonjour, tante Élisabeth, POM, le Saint-Esprit vient sur elle. Elle a commencé à exalter le Seigneur. Bon, maintenant, la prière consiste à ouvrir des portes en s'adressant à des divinités. La répétition de toutes les dogmes et litanies ouvre et enchaîne les gens avec des divinités négatives. Par exemple, tu as mal à la tête. Tu dis Sainte Marie, allons-y, tu as mal à la tête par exemple, tu veux prier pour la maux de tête. Tu dis quoi? Sainte Marie, allons-y. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Oui. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Dieu le fruit de vos enfants est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour vous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bon, quand tu as fini mon ça, le mot de tête, c'est si tu as prié contre le mot de tête, non. Tu as fait quoi finalement? Quand tu ris, non. C'est ici maintenant que tu ris. Et si tu as un fils qui est malade, tu fais quoi? Allons, je vous salue Marie, allons-y. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Oui, donc ça veut dire que quand tu veux le beurre, tu dis je vous salue Marie. Je veux le ventilateur, je vous salue Marie. Marie. Tu veux dormir, je vous salue Marie. Tu te lèves le matin, je vous salue Marie. Ton mari te gronde, tu veux prier que Dieu change ton cœur, tu dis je vous salue. Toi-même, ça a des sens. Non. Alors, en fin de compte, les hommes en blanc conduisent les gens dans le noir ou bien dans le ciel blanc. Avec ça, en voyant seulement cet aspect-là, les hommes en blanc conduisent les âmes dans le noir ou bien dans le lieu céleste blanc. Dans le noir. Tu peux dire cela à ta famille. Tu peux rentrer et dire au tien que désormais, sache que les hommes en blanc, le blanc là vraiment sur le noir. Tu vas leur dire. Pourquoi on dit Marie est toujours vierge, restez toujours vierge? Là, au moins toi tu ne connais même pas ça, non? Donc ça dit qu'on aborde même pas cela avec toi. Ok, donc, un, on résume. Jésus a dit que si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, c'est ce que la Bible déclare. Alors, dans l'œil des gens, disons. Donc, même ça, tu connaissais. Donc, Jésus, lui, il a demandé qu'on demande quelque chose à qui? À son Père. À son Père. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Bon, quand tu as fini de rester, Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie. Tu as besoin de quelque chose, tu salues quelqu'un. Donc, si tu veux ici à la maison, par exemple, tu as besoin de la nourriture. Si frère Junior, bonjour, je te salue. T'as acquis, une grâce a été faite. Tu finis sur ce tranquille. Tu as besoin de la nourriture là, sort. Non. Toi, me dis alors que la bêtise que nous faisons. La bêtise que nous faisons. Voilà. Jésus a dit que quoi que ce soit pour Jean chapitre 15. Jean, le chapitre 15. Nous étions dans la lune. Donc tu avances devant. Oui. Jean chapitre 15, le verset 7, qu'est-ce que ça dit? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tu entends ce qu'il dit? Si vous demeurez en moi et que mes paroles, pas les paroles de n'importe qui, mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Ça veut dire si tu veux la guérison, demande. Si tu veux n'importe quoi, demande. Ça te sera accordé. Regarde le chapitre 14, verset 13. Qu'est-ce que ça dit? Chapitre 14, verset 13. Non, tu rentres de ce côté, rentre encore de cette page-là. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Voilà. Tu entends que les seuls mots qu'on entend là-bas, c'est Père et le Fils. Donc, c'est entre eux, donc, il est question. Y a-t-il un verset que tu as déjà vu quelque part dans la Bible où Marie intervient là-dedans? Dans ce cas, pourquoi on a déclassé Jésus? Déclassé Dieu, présenté Marie aux gens. C'est pas la sorcellerie? Si. Donc, tu peux dire avec nous que le pape, ses acolytes et tous ceux qui sont blancs sont des groupes de sorciers. Dis alors, on entend aussi. Le pape et tous ces groupes sont les groupes de sorciers. Et tous ceux qui suivent. Tous ceux qui suivent. Sont les. Les groupes de sorciers. Voilà. Voilà donc ce que Jésus. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus, c'est lui qui parle. L'auteur de la vie. Il dit si mes paroles demeurent en vous. Et que vous demeurez dans mes paroles, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Il dit si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, la Bible déclare car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il n'y a qu'un seul Dieu d'un côté et aussi un seul médiateur. On n'a pas dit deux. Or, la liturgie catholique veut que Marie soit médiatrice. Ils ont même trouvé le féminin de cela. C'est normal. On l'appelle même co-rédemptrice. Et la Bible utilise le rédempteur seulement au singulier parce que notre rédempteur, la Bible déclare comme le prophète Isaïe dit, notre rédempteur c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. On confronte Marie, une femme, à la place de Dieu, une mortelle, en lui trouvant des alibis sanctificatoires. Qu'elle est née sans péché, comment? Elle est la reine du ciel. Elle est la reine du ciel. Et la reine du ciel, c'est un démon dans la Bible. On peut continuer. Donc, tous ceux qui sont dans l'église catholique, qui répètent toutes ces choses. En fait, les prêtres eux-mêmes savent. Ils savent que c'est la sorcellerie. Tous les prêtres, sans exception, même le pape lui-même connaît. Tous les papes connaissent que c'est la sorcellerie. Qui vous en fait dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour que le Seigneur nous éclaire comment on doit faire. Parce que si on veut marcher d'après ce que le Seigneur a fait, et d'après ce qu'il a écrit, on doit prescrire, on doit marcher d'après sa parole. La Bible déclare qu'il a prescrit ses commandements afin qu'on les observe avec soin. Dieu ne veut pas le mélange. On ne peut pas prendre du tapioca et puis prendre le sable en disant que comme le sable ressemble au tapioca, je vais mélanger. Tu mélanges, tu ne pourras pas marcher, tu ne pourras pas faire un seul mâchement de tes gencives. Tu vas aller cracher. Or, la prière ouvre notre âme dans les dimensions supérieures. La prière ouvre notre âme au contact avec la dimension supérieure dont nous ne maîtrisons pas. Mais nous pouvons rejeter le tapioca mélangé avec du sable. Mais le mélange de ce qui peut causer des troubles dans notre âme, nous ne faisons pas attention. On récite volontiers. On ouvre son âme volontiers dans des dimensions dont on ne maîtrise pas. Et c'est très dangereux. Donc la prière non, qu'on ne maîtrise pas, ces récitations qu'on fait là, ce sont des prières dangereuses qu'on ne maîtrise pas, d'accord? Le deuxième volet maintenant consiste, on a fini avec Marie. Donc on a compris que on ne doit pas prier Marie sous aucun prétexte. On ne doit pas prier. Oui. Il dit souvent que lui ne prie pas Marie. Ils font comment? Donc ils saluent Marie et ils se disent que quand tu as ton fils, quand oui. une femme a son fils, oui. pour lui demander quelque chose, pour demander quelque chose à son fils, la femme, dont la mère demande plus facilement. C'est-à-dire que la femme a le. La maman peut dire à son fils de faire quelque chose, comme il a dit à Canaan, au vin de Canaan, à l'ounos de Canaan, voilà, que comme il a fait tout ce qu'il va vous dire. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par. Il faut passer par la mère. Passer par la mère pour le faire. Disons, leur dire un peu sur Eto. Si pourquoi Eto te donne facilement quelque chose, tu passes par la mère d'Eto. Il va te farouter. Oui. Tu entends la sorcellerie, non? Bon, quand ils disent comme ça, Jésus, lui, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'on vient de lire là? Jésus a dit, demandez, passez. Comment pas directement? Quelque chose. Demandez directement à mon père et passant par moi, cela vous sera accordé. L'homme dit que non, si vous faites comme il dit là, il ne vous faut pas vous demander. Allez passer par sa mère pour que sa mère pas le flatter. Vous voyez comment les Satan, il dit qu'il ne peut pas dire, il ne prend pas bleu, il change directement en noir. Il prend bleu, il met bleu ciel. Il place toujours Jésus là-bas. Mais il désoriente maintenant les gens en disant, focalisez-vous sur sa mère. Et on développe tout un culte de tatou, co-redemptrice. Co-avocat, on va mettre co devant tous les autres choses qui sont les attributs du Seigneur. Co-sauveur, elle était à la croix. Co-rentrive, elle a souffert dans son être. Elle a souffert avec son fils de la passion. On a cloué là-bas à la croix. Hein? Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Mais là même, Jésus n'avait jamais appelé sa mère, mais il voilà. disait toujours femme. Enfin, pour montrer quoi? Son humanité. Il disait toujours femme. Pour montrer son humanité. Femme. Pour montrer le charnel. D'accord? Le charnel femme. C'est pas bizarre que toi-même tu découvres ça comme ça maintenant et que tu pries Sainte Marie, mère de Dieu. Si c'est mère de Dieu, la femme de Dieu, c'est qui alors? Ok, on peut continuer maintenant. Soir. Donc on a compris la bêtise que les catholiques ont de faire avec Satan pour pouvoir pousser les gens à adorer quoi, le diable, n'est-ce pas? Tu vas encore le faire? Voilà, on va passer dans la deuxième partie maintenant. Oui, mon cher. J'ai eu un son là, dans le deuxième partie de ça concerne Marie aussi. Il peut pas, je suis pas là où voir. Attention. Il dit que j'ai fait un songe. Je pense que le deuxième même concernant Marie. Marie, la Vierge Marie ici. Mm-hmm. C'est grave. Recule-toi, viens. Parle-nous à haute voix. Suis son songe. Peut-être là, dit maintenant que Marie est co-rédempteur. Oui. Bon, la première fois, j'étais encore inconscient. Je priais, j'étais en dôme. C'était 2011. Dans la chambre où je priais, subitement j'ai senti une présence d'une femme enflammée. Mmh. Ce sont les flammes qui lui servaient d'un pouce pour voler. Mmh. Bon, j'ai eu la chair de poule. Mmh. J'ai continué à prier fort jusqu'à ce que. Tu priais comment disparu. Je priais normalement comme les pentecôtistes prient. Mmh. Bon, le mois suis passé, mmh. la nuit du 26, je pense au 27. J'ai rêvé, nous étions dehors, le ciel a changé, c'est devenu blanc, tout blanc. Après les nuages se sont ouverts comme si c'est Jésus qui descendait. C'est une femme qui est sortie du ciel. Tu as étonné. J'étais étonné. Tout le monde a commencé à adorer. Elle faisait du genre ceux qui n'adorent pas. Elle disait que ce sont des mauvaises personnes. Elle fait la main comme ça et si leurs amis meurent. Elle s'approchait, elle était très grande, costaud. Tout le monde adorait, tout le monde louait. Il était fier. Elle disait qu'elle est venue du paradis. Après, je lui dis, tu es un démon, tu n'es pas venu du paradis. Elle s'est retournée vers moi. Tout le monde me regarde que, hey, toi, tu prends ton cœur où? Je dis que tu n'es pas de Dieu. Elle s'approche. Elle fait comprendre aux gens que je suis une mauvaise personne. Donc, elle vient toujours comme elle faisait aux autres. Mon cœur me dit, comme ta vie ne glorifie pas Dieu, Mais tu sais quand même que tu vas mourir en disant la vérité. J'ai continué à dire que tu n'es pas de Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Tu es où dans la Bible? Elle vient, elle fait la même. Ça ne prend pas. Il dit, hey, donc je ne suis pas mort. Tu as dit que hey, tu n'es pas mort. Il me suis étonné que je ne suis pas mort. J'ai continué à lui dire. Puis je lui disais, puis j'ai devenu petite. Je suis devenu comme la mouche. Après, je me suis réveillé. Et qu'est-ce que tu as compris comme, comme message là-dedans? Donc tu as vaincu Marie. Malgré sa splendeur, tu l'as vaincu. C'est ce qui étonnait même beaucoup de personnes, que comment est la grande Marie peut chuter devant un enfant comme ça. Et voilà Marie qui chute ce matin, pas vrai? Gloire au Seigneur. Amen. Donc, mais c'est une divinité. En fait, ce qui se cache, c'est que ce qu'on appelle Marie dans la Bible qu'on a dit de là, et que l'Église catholique dit comme Marie, c'est autre chose, c'est deux personnes différentes. C'est... Si on prend le compendium de l'Église catholique là-bas, tu vas voir, on parle, il y a le cantique de, à la reine du ciel, Regina Cheli. Tu connais le cantique là, hein? Tu connais le cantique à la reine du ciel, réjouis-toi, alléluia. Réjouis-toi, vierge, Saint, quoi, vierge Marie, réjouis-toi, comment vous appelez, comment vous recitez cela, réjouis-toi, reine du ciel. Tu n'as jamais entendu cela? Donc, c'est la Bible appelle dans Jérémie chapitre 7 et dans Jérémie chapitre 44, la reine du ciel, c'est un démon. Donc, c'est elle que les gens prient. Mais on a transmis son nom. Dans le des Actes des Apôtres, chapitre 19. Allons dans Actes des Apôtres, chapitre 19. On va la voir là-bas. Comme il a dit que tout le monde entier l'adorait, c'est parce que c'est ce qui est écrit là-bas. Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres. Au chapitre 19. On y va. Voilà. Repérez d'abord le verset 24. Et dites-la, trouvez Actes des Apôtres. Voilà. Actes des Apôtres, au chapitre 24, chapitre 19, à partir du verset 24. Vous avez vu le verset 24? Voilà. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane. Vous avez vu, non? Diane. Et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Comment un être humain peut raisonner? Il dit que c'est, les dieux sont faits de ses propres mains. Il dit que ce ne sont pas des dieux. Ah, quand même. Il dit le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que, écoutez bien, la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite en néant. Donc, Marie n'a pas commencé aujourd'hui, depuis le temps de Paul. C'était là, le culte de Marie était là. C'est cette femme, ce qu'on appelle Diane. Dans d'autres terminologies, on l'appelle Artemis. Vous voyez? C'est elle qu'on est en train d'adorer. On dit clairement que durant le moment de Terre Paul, on faisait d'elle ses statuettes. Et quand Paul est venu prêcher en disant, parce que depuis le chapitre 17, tu vas dire que les dieux faits, toutes ces choses-là sont les idoles. Les gens vont se réunir, ils vont dire que le gars se dérange. Il faut qu'on le tue rapidement pour que. Parce qu'ils sont là pour. On dit qu'il a persuadé une foule nombreuse pour dire, en leur disant que les dieux faits par les mains d'hommes ne sont pas des dieux. Il dit que c'est un danger parce que notre industrie, ça se passe qu'on ne pourra plus fabriquer les idoles. Par contre, on n'a plus vivre de notre art. Et non seulement cela, c'est que il parle de la grande déesse. La grande déesse, la majesté de celle qu'on adore dans toute l'Asie. Donc c'est le dieu qui commande l'Asie, comme vous voyez là. Vous voyez le dragon maintenant cette fois-là, mais c'est une déesse qui est au-dessus. Donc en réalité, la religion du monde est coordonnée par cette femme-là qu'on appelle Marie, la reine du ciel. Quand on parle de la reine du ciel, c'est pas que ce n'est pas la reine qui est dans le ciel de Dieu. C'est la reine du ciel, du deuxième ciel où Satan a le contrôle. C'est où les religions sont organisées. C'est là où c'est organisé et c'est là où c'est manifesté sur la terre. C'est elle qui commande. Vous voyez bien que ce n'est pas un esprit avec qui il faut blaguer. La majorité même des chefs des prêtres pentecôtistes, des pasteurs pentecôtistes sont avec elle. Mais ils sont une réussite pas, je vous salue Marie, mais ils sont quand même avec elle. Vous voyez cela? Maintenant, dans la première partie, j'avais dit qu'il y a deux volets. J'ai fini avec Marie, nous avons fini avec Marie, on a compris que c'est une démon. Ça n'a rien à voir avec la Marie, mère du Seigneur Jésus, qui était toujours à l'écran, qui était toujours derrière la scène, elle était toujours soumise. Ça, ce n'est pas elle dont il est question, que l'Église catholique présente. Maintenant, nous allons passer au deuxième volet qui est la plus dangereuse, mais subtile. La prière aux anges ou bien l'invocation des anges. Voici la plus dangereuse. Et c'est à cela maintenant que ça te concerne, parce qu'il veut finir, il veut toucher cela. On va passer ici au tatami, deuxième édition. On va prier pour toi ici, parce que le tatami, qu'on est ici, non? On va passer ici. Donc, dans le développement, il veut te dire ce qu'il en est. Maintenant, retrouvons donc, c'est notre protection. Voici encore un autre livret catholique. On dit prier avec Saint Michel. Si on écrivait que prier avec le démon du noir, toi, tu vas prier avec. Si on dit comme ça, est-ce que tu vas prier? Mais il faut qu'on mette Saint Michel. Ou mieux Saint Michel l'archange. Quand on dit Saint Michel l'archange, ça te flatte parce que tu sais que Saint Michel est un bon ange, n'est-ce pas? Il dit quand on met Saint Michel l'archange, là tu es sûr que c'est Michel l'archange dont on a de parler. Exactement comme on a dit Marie. On dit Marie, mère de Jésus. Tu dis le Marie, mère de Jésus de la Bible. Mais ce n'est pas elle qu'on a de parler. Maintenant ici, je vais lire quelques extraits ici. Je vais lire, ça c'est ce bouquin ici, je ne sais pas par qui c'est écrit. On dit ici à la fin, les prières données à l'intérieur de ces livrets sont destinées à vous aider, en noir, à vous aider. Donc voilà, on t'informe que ça te destine à t'aider. Mais la Bible, tout à l'heure, on va voir que ça c'est destiné à te nuire et à détruire toi et ta postérité. Toute personne qui invoque les anges. On va finir de lire ici, puis on va aller maintenant, une fois de plus, lire ce que la Bible dit. Donc. Ok, je crois que c'est mieux qu'ils prennent le dernier du livre, hein, pour qu'on voit ce qu'il en est. Ici, derrière ce brochure, on dit « Le Christ a dit à Monseigneur Michelini, le 28 mai 1976, dans confidence de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles, Satan a une supériorité sur la nature humaine, ce qui lui donne un grand pouvoir. » Donc, Jésus a dit en 1976 pour lui dire ça. C'est pourquoi j'ai donné à mes apôtres le pouvoir de guérir et de délivrer les personnes tourmentées par le démon. C'est exercer la vraie paternité pastorale et sacerdotale que de bénir et exorciser ceux qui en ont besoin. Savent-ils, mes prêtres, de quel grand pouvoir ils ont été investis? Savent-ils, les anges supérieurs à eux par nature leur sont inférieurs sur le plan de la puissance? Savent-ils combien sont victimes des maléfices aujourd'hui? Ce mot des maléfices qui est cause d'indescriptibles souffrances suscite perplexité, doute et incrédulité même chez ceux qui en sont victimes. Il suscite dérision et raillerie chez ceux qui n'y croient pas. Que signifie le mal, tes maléfices? Quoi? Oui, tes maléfices, oui, tes maléfices. Et qu'est-ce que c'est? C'est la présence des forces obscures occultes dans des personnes, des lieux et des choses qui occasionnent en général des situations de souffrance spirituelle et physique. Le spiritisme qui est évocation des forces occultes ne vient jamais de Dieu, mais toujours de l'enfer. Qui peut en être victime? Toutes les âmes, mais particulièrement celles qui sont imprudentes, insensées, infidèles, avides de connaître l'avenir, de guérir auprès des gens enténébrés, mais aussi parfois par la permission des pieux pour expiation, purification, sanctification, enrichissement et rédemption. C'est quand même terrible. Le discernement peut être difficile pour savoir s'il s'agit de maléfices ou de simples maux physiques. Il ne s'agit surtout pas de voir le diable partout. Il faut connaître sa façon d'agir, le situer et d'expulser ce que, dans la majorité des cas, avec l'aide de l'Esprit Saint, virgule, de la Vierge Marie, virgule, de Saint Michel, virgule, de la prière, virgule, des sacrements et des sacramentaux, nous pouvons faire nous-mêmes. Vous voyez la sorcellerie, n'est-ce pas? Donc, il dit, comment faire? Donc, on fait pour résoudre le problème. Il dit, avec l'aide de l'Esprit Saint, virgule, de la Vierge Marie, virgule. Donc, ça veut dire que même la Vierge Marie aide à délivrer. Donc, on la met en deuxième position. On la met en deuxième position. Puis, on dit, il dit, de Saint Michel, virgule, de la prière, vu que des sacrements et des sacramentaux, nous pouvons nous faire nous-mêmes. Certaines communautés peuvent, peuvent être d'un grand secours, peuvent vous être d'un grand secours. Elles font des prières de libération et de ces guérisons très adaptées. Donc, ça veut dire que si le Saint-Esprit est incapable, on passe à Marie. Si ça dépasse Marie, on passe à Saint-Michel-l'Archange. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit a besoin de Marie comme co-travailleur dans l'exorcisme, n'est-ce pas, la chaîne? C'est ce qui est écrit. Allons visiter la neuvaine à la page 24. Neuvaine à Saint-Michel-Archange et aux neuf cœurs des anges. La neuvaine à Saint-Michel-Archange et aux neuf cœurs des anges obtient des grâces extraordinaires et le secours du ciel contre les afflictions et actions d'origine démoniaque. Elle peut être faite à toute époque de l'année, seule, en famille ou en groupe. Dans des difficultés importantes, n'ayez jamais oublié que la messe est le secours le plus efficace. Vous pouvez faire célébrer une messe à l'honneur de Saint-Michel. Ou mieux, faire célébrer une neuvaine de messe en l'honneur de Saint-Michel et des neuf cœurs des anges. Ça, c'est les catholiques. Pendant ces neuf jours, confession, prière à Saint-Michel, chapelet ou rosaire, jeûne, sachez-vous priver de nourriture avec une ou deux journées de pain, au pain et à l'eau, télévision, paroles inutiles, tabac. Donc tu te prives durant ce moment-là. Quand tu sors, fume. Certains démons ne peuvent pas être chassés que par la prière et le jeûne. Et à l'occasion, faites appel à vos amis de la foi, à des communautés pour former une chaîne de prière. La prière aux neuf cœurs des anges est à dire en totalité chaque jour. Dis, je crois en Dieu pour commencer. Puis, Dieu vient à mon aide. Seigneur, en notre secours. Maintenant, en l'honneur des séraphins, nous vous demandons, ô Saint-Michel, en union avec les séraphins, d'allumer en nos cœurs le saint amour de Dieu. Donc, on demande au Saint-Michel d'Archange. On demande au Saint-Michel d'Archange de demander à de qui contacte tous les séraphins du ciel pour qu'ils viennent, ils allument le flamme de Dieu dans nos cœurs. Ah, vraiment, les catholiques vont nous finir. Ils vont vraiment nous finir. Et de nous donner le mépris et le dégoût des faux plaisirs du monde. Notre Père, on dit de notre Père, puis je vous salue Marie, puis on finit avec le gloire au Père. Voici en l'honneur des chérubins. Voilà ça. Nous vous demandons humblement, ô prince de la Jérusalem céleste et chef des chérubins, de vous souvenir de nous, surtout quand nous serons assaillis des suggestions de l'ennemi infernal. Victorieux de Satan avec votre secours, nous faisons de nous un sacrifice offert au Seigneur, en honneur des trônes, parce que les trônes sont vivants. Nous vous supplions dévotement, ô glorieux champion du paradis et des chefs des trônes, de ne jamais permettre que nous, vos fidèles, soyons supprimés par des esprits mauvais de l'enfer. En l'honneur des dominations, donc il y a les chérubins, les drones, les dominations, les puissances, les vertus. On prie même de les vertus. Voilà donc ce qu'on demande aux gens de prier. Voici ce qu'on demande aux gens de crier, de prier. On met effectivement un monsieur là-bas avec les ailes, avec le couteau qui l'a mis Satan au sol. Ça représente Satan, il a mis les pieds, avec le couteau, pied à piquer. Quand tu vas dans une église catholique ou dans une basilique ou quoi que ce soit, et on a mis toutes ces choses-là à l'exposition, premier réflexe, c'est que vous avez besoin de prière, n'est-ce pas? Vous avez besoin de secours. Et on dit que ceci prie efficacement. Puis on dit à l'intérieur de ce même livre-là que n'oubliez pas que c'est la messe qui est le plus grand secours. N'est-ce pas un contradictoire? On dit que la messe est d'un très grand secours. Et on dit que mais si vous faites l'autre aussi, ça va marcher. Ça veut dire que la messe, c'est là. Quand on parle de la messe, c'est pas tout ce qu'on récite là, c'est ce qu'on vous appelle, on trempe, on vous donne là. C'est ça qu'on a déjà dit. Qu'en principe, normalement, si tu prends cela, ça doit résoudre les problèmes. Mais comme le corps de Christ lui-même que vous mangez ne suffit pas, on passe à Michel l'Archange. Comme Michel l'Archange est tellement faible, il faut qu'il réunisse tous les séraphins du ciel avec les autres chérubins pour qu'on puisse allumer seulement l'amour de Dieu dans ton cœur. Quand on va pas, on le réunit avec Marie. Puis on dit combien le Saint-Esprit vient aussi à l'assistance pour pouvoir lutter contre un démon sur la terre. Toi-même, ça a des sens. Et donc, c'est ce qui est arrivé au problème que tu as de faire face maintenant. C'est pour ça, c'est en cela que ça te concerne. Déjà, il va avancer. Dans le livre de Luc, chapitre 1, que nous avons lu tout à l'heure, verset 26, on dit qu'au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Remarquez très attentivement que j'ai insisté sur ce mot, cette phrase-là tout à l'heure. Fut envoyé par Dieu. L'ange a été envoyé. Marie ne l'a pas appelé. Voilà la différence, n'est-ce pas? Marie n'a pas invoqué un ange puisqu'elle était supprimée de sa venue. Avant que cet ange-là ne vienne vers Marie, il était d'abord allé chez Zacharie. Zacharie était en train d'offrir le parfum là-bas, le sacrifice. Subitement, à droite de l'autel, il s'est tenu là. Il dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Mais quand Zacharie a vu, il était surpris. Zacharie n'a pas invoqué l'ange. Quand Marie est tombée enceinte, Joseph, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18, que Joseph, quand il a constaté que Marie était enceinte, son ventre a commencé à sortir, il s'est proposé de rompre secrètement. Donc, il pensait dans son cœur que ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut me séparer de Marie pour qu'on ne fasse pas de problème. Parce que ce n'est pas, bon, pas mon enfant ici. Il savait que ce n'était pas son enfant. La Bible déclare, pendant qu'il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe. Ce n'est pas Joseph qui a invoqué l'ange. Pendant qu'il y pensait, un ange du Seigneur lui apparaît en songe et lui dit, Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc l'ange est venu lui parler. Même les mages qui sont venus pour adorer Jésus, quand ils sont venus, quand ils sont allés voir Hérode, Hérode a dit que quand tu vas passer, vous allez rentrer, venez me dire là où l'enfant se trouve. On dit ils ont été divinement avertis dans un songe pour qu'ils ne passent pas là-bas. Eux-mêmes n'ont pas invoqué les anges. Et Dieu avait dit dans le livre de Deutéronome chapitre 4 particulièrement, si vous lisez le livre de Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19, Dieu avait dit clairement que vous savez très bien que le jour où Dieu vous a apparu en Horeb, il ne s'est pas présenté avec une image pour qu'on voie sa figure. Il dit, veillez donc attentivement sur votre âme. Qu'on veille attentivement sur notre âme, de peur qu'on se prosterne un jour à commencer à prier l'armée céleste, à leur rendre un culte. Et ce que Dieu a dit par Moïse, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a poussé les gens à adorer les trônes, comme on a dit là, des puissances, des vertus, des autorités célestes. Et la Bible interdit cela. Donc Moïse a dit que veille attentivement sur votre âme, parce que ça va ouvrir votre âme à une dimension qu'on ne maîtrisait pas. Ce mélange-là a ouvert ton âme à un esprit, cet esprit est appelé Pluton. L'ange qui gouverne Pluton, le démon qui gouverne Pluton est entré en scène. Tu comprends ce que je viens de dire? Donc maintenant, il faut qu'on le chasse. Parce que tu prends un peu par ici, tu prends un peu par ici, tu pries, un peu par là, tu pries, un peu par là, tu pries. Voilà, voilà là où on se retrouve là-dedans. C'est ce qu'il en est. Quand tu pries, comment ta main fait souvent? Ta main. Ça chauffe. C'est Pluton là-bas. C'est Pluton. Fermez les Bibles. On va passer au tatami. Voilà le danger. Des prières. Voilà le danger. Des prières. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et toi, cette fois-ci, quand cette chose sera, quand cette démon sera chassé, quand celui-ci n'a pas seulement le chasser, il va l'attacher. Il va comprendre qu'il ne peut plus venir dans ta vie, n'est-ce pas? Et toi, tu dois te débarrasser de toutes ces choses à la maison. Des chapelets. Quoi encore là? Qu'est-ce que tu utilises encore? Tu n'as plus de chapelet. Hein? Tu as encore quoi? L'eau bénie. Non. Est-ce qu'il y a l'eau bénie? Non. Elle a bu l'eau bénie, fatiguée, ça n'a pas donné. Elle a dit que non. Qu'elle ne sait pas l'eau bénie. Bon, maintenant, on va passer donc. Qui parmi vous va avancer pour prier pour elle? C'est Pluton qui est là-bas. Pluton. Vous connaissez Pluton, non? Donc, Pluton, qui parmi vous va avancer pour chasser? On va travailler, d'accord? On va travailler. Mets les deux chaises là-bas et s'assoit d'abord. Elle va commencer là-bas. Là, merci Père pour tout ce que tu fais. Tiens-toi ici, monsieur. Donc, tiens-toi là. Elle s'assoit. Laissez-la sous son influence maintenant, commence à prier. Allez, c'est vrai, parce que quand ça casse les verres, Pluton nous casse les verres, on dit qu'il va acheter les verres ici. Dépose là-bas. Le Pluton peut casser ses verres, on dit que c'est le frère Junior qui avait cassé les verres. Suivez-la, elle ne doit pas se faire mal. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Toi, esprit des ténèbres, tu n'utiliseras plus l'âme de cette femme. Elle a compris la vérité aujourd'hui. Elle ne vous appartient pas. Elle vous a invité par son ignorance dans sa vie. Aujourd'hui, vous quittez sa vie. Lâche-la! Lâche-la. Ne la voyez pas calme là. Quand ça va commencer, vous allez confirmer. Non, soyez prêts là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez décidé de travailler dans sa vie avec cet esprit. Tu me regardes. Et tu sais exactement que ton œuvre est dénoncée. Vous quittez sa vie maintenant. Elle ne vous appartient pas. Vous voulez la tuer récemment. Maintenant, elle ne mourra pas. Allez, quittez sa vie maintenant. Allez. Allez, allez, allez. Allez. Allez. Sors. Et bien, qu'elle efface. C'est fait, vous allez faire les pompes. Chacun va faire 100 pompes là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Allez. Sors. Sors! Vous voyez, n'est-ce pas? Sors! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Allez, allez, allez, allez! Ça, c'est la couverture comme ça avec la mort. Sors! Sors! Au nom de Jésus de Nazareth! Quitte son corps maintenant! Quitte son corps! Quitte son corps! Quitte son corps! Allez! Quitte son corps! Tu ne dois plus habiter son corps. Son corps n'est plus ton tabernacle. Elle est fatiguée de vous. Allez! Sors! Quitte cette femme maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Sors! Puissance des ténèbres. Quitte-la maintenant. Quitte-la. Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Allez, allez, allez! Allez! Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus! Allez, je la quitte. Allez! Toi, puissance des ténèbres, tu es exposé. Tu es exposé. Allez, allez, allez! Lâche-la! Lâche-la! Lâche-la! Lâche-la! Lâche-la! Il dit que ça a commencé. Lâche-la! Lâche-la! Lâche-la! Lâche-la! Il dit que ça a commencé. Lâche-la! Lâche-la! Lâche-la! Lâche-la! Lâche-la! Tu veux la tuer, n'est-ce pas? Lâche-la! Tu veux la tuer? Lâche-la! Tu sors. Allez, allez, allez! Sors! Non. Tu ne sors pas? Non. Sors! Non. Sors! Ah non, Seigneur, non. Sors! Non. Sors! Ah, sors! Non. Sors! Tu sors! Ah, je n'irai nulle part. Sors! Tu sors! Je peux pas. Sors! Je peux pas. Pourquoi? C'est ton temple? Je peux pas. C'est ton temple? Je peux pas, je suis désolée, je peux pas. Tu ne veux pas partir? Non, je peux pas. Tu l'aimes? Oui. Oui, parce que tu l'as pris pour ta femme, n'est-ce pas? Je peux pas savoir. Pourquoi? Tu ne peux pas savoir. Pourquoi? Je peux pas savoir, je te dis. Ok. Au nom de Jésus de Nazareth, tu quittes son corps. Elle ne t'appartient pas. C'est ma personne à moi. C'est ta personne? Oui. Tu utilises son corps? Ah oui, je te le dis. Tu veux que tu serves de prêtresse? Ah oui. Sors! Ah non. Sors! Non, je te dis non. Ah non, je fais pas ça, ne fais pas ça. Qui es-tu? Ah non, je te dis une tâche, je te dirai pas. Tu es son mari? Ah oui, je te dirai pas. Ah non. Tu es son mari? Je te dirai pas qui suis-je. Sors! Ah non, je te dirai pas. Sors! Ah non, je suis désolée, je sortirai pas. Sors! Non, je sortirai pas, s'il te plaît, libère-moi. Sors! Ah non, libère ma vie, je sortirai pas. Au nom de Jésus de Nazareth! Non. Au nom de Jésus de Nazareth! Je prends un peu de toi, non. Au nom de Jésus de Nazareth! Ah non. Au nom de Jésus de Nazareth! Non. Au nom de Jésus de Nazareth! Tu me lâches là, mais lâche-moi, je te dis, je sortirai pas. Sors! Ah non, que tu veux. Non, Jean. Sors! Ah non, je te dis non. Tu libères son corps maintenant. Non, tu libères son corps. Non. Sors! Oh, sors! Non, libère-moi, non. Sors! Non, laisse-moi. Non, excuse-moi. Laisse-moi, je te dis, laisse-moi. Tu me lâches là. Oh, tu me lâches. Sors! Ah non, lâche-moi. Tu as fait souffrir cette femme-ci. Ah non, lâche-moi, je te dis. Tu voulais la tuer. Ah, me dérange pas. Tu me déranges. Non, de Jésus de Nazareth. Ah non, je me dérange pas. Le Seigneur Jésus est plus grand que toi. Ah non. Et il veut que tu quittes son corps. Ah non, c'est moi, je me plairai ici. Tu te plais là-bas? Ah oui, je t'assure. C'est ton temps. Je t'assure, je me plairai ici. Ah non. Comment tu es entré dans sa vie? Ah non, ne fais pas ça, je te dirai pas. Non, de Jésus de Nazareth. Ah non, je peux pas te dire. Non, de Jésus de Nazareth. Non, ne fais pas ça. Non, de Jésus de Nazareth. Non, de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Non. Au nom de Jésus Nazareth. Tu quittes son corps. Allez, allez. Ouais, Seigneur. Sors. Laissez-moi. Sors. Non, laissez-moi avec elle, je vous assure. Oh. Sors. Non, elle est bien pour moi, elle est trop bien pour moi. Tu l'as épousée? Oh, elle est trop bien pour moi. Sors! Ah non, je te le dis. Ah non, non. Sors! Non, fais pas ça. Non. Sors! Tu m'envoies où? Sors! Allez. Non. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Non. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Non, là, je suis mort. Allez, je te commande au nom de Jésus-Christ de la quitter. Allez, tu la quittes. Tu la quittes. Tu la quittes. Tu la quittes maintenant. Maintenant, arrêtez-la bien, arrêtez-la bien. Nom de Jésus Nazareth. Nom de Jésus Nazareth. Allez, allez. Nom de Jésus Nazareth. Ouvrez. Nom de Jésus Nazareth. Ma voiture, ma voiture. Sors. Oh, ma voiture. Ah non, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Non, pourquoi? Sors. Non, pourquoi tu me fais ça? Non, Aïchou. Sors. Ah non, ne me frappe plus. Sors. Ah, je t'en prie. Je t'en... Sors. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Sors. Oh non, non. Au nom de Jésus Nazareth. Sors d'elle. Fais attention. Sors d'elle. T'es pas gentil. Tu n'es pas le premier. Si je te déteste, je peux pas imaginer comment je te déteste. Moi je t'aime. Ah non, laisse-moi. Tu es ma personne. Tu es ma personne, n'est-ce pas? Non, non, non. Ah non, pourquoi t'es comme ça? Pourquoi? Mais non, pourquoi t'es comme ça? Oh non, pourquoi? Allez. Oh non, pourquoi? Quitte sa vie. Trop de grâce pour toi. Laisse-moi. Non. Au nom de Jésus. Non. Tu la lâches maintenant. Non. Tu la lâches maintenant. Tu la lâches maintenant. Laisse-moi. Tu la lâches maintenant. Oh, je l'aime. Je l'aime, elle est trop bien pour moi, non. Je te commande de quitter sa vie. Ça, non. Je te commande de la quitter. Non, ne fais pas ça. Sors. Non, ouais. Sors. Oh, s'il te plaît. Oh. Non, de Jésus Nazareth. Non, de Jésus Nazareth. Allez. Non, de Jésus Nazareth. Non, de Jésus Nazareth. Non, de Jésus Nazareth. Non, de Jésus Nazareth. Maintenant, là, elle s'est fait mal. Vous avez fait. Je vous ai dit, vous avez fait le ici. Allez, sors. Sors. Sors! Sors! Vous ne pouvez pas sentir la force qu'elle a maintenant, non? Vous avez vu que ce n'est pas la faible femme qui était assise là tout à l'heure. Sors! Sors! Non, j'aime cette femme. Sors! J'aime cette femme. Sors! Ah, son cœur! Oh, sors! Son cœur est bien, son cœur est bien. Sors! Ah, j'aime cette femme, non, je l'aime. Sors! Ah, son cœur est bien. Tu la lâches. Son cœur est bien. Oui. Son cœur est trop bien pour oui. moi. Oui. Non, tu je l'aime, tu n'as plus résider dans son cœur. Ah non, s'il te plaît, laisse-moi vivre avec elle. Jamais, tu sors maintenant. Ah, oh, je veux vivre avec elle. Je veux. Non, de Jésus Nazareth. Je veux vivre avec elle. Non, de Jésus Nazareth. Ah, je veux vivre avec elle. Non, de Jésus Nazareth. Oh, Elise, c'est toi ma personne. Sors. Oh, Elise, te dis, tu es ma personne. Elise, c'est toi que j'aime. Elise, c'est toi Elise. Elise, c'est toi que j'aime. Je te dis, Elise, dis qu'il me laisse. Dis qu'il me laisse. Tu quittes la vie d'Elise maintenant. Non, dis qu'il me laisse. Quitte la vie d'Elise. Elise, s'il te plaît. S'il te plaît, défends-moi. Non, de Jésus Nazareth. Elise, défends-moi. Oh non, défends-moi. Non, de Jésus Nazareth. Mais Elise, tu me laisses. Non, de Jésus Nazareth. Me laisses-tu? Ah non, t'es pas gentil. Non, de Jésus Nazareth. Non, t'es pas gentil, toi. Oh, t'es pas gentil. Non, de Jésus Nazareth. Allez, quitte maintenant. Quitte. Ah, Sors. Ouais, Djoukoué. Sors. Djoukoué, ne me laisse pas. Sors. Djoukoué, ne me laisse pas. Djoukoué. Ce sont les acolytes des gens là. Djoukoué, ne me laisse pas. Non, de Jésus Nazareth. Ah, Djoukoué. Non, de Jésus Nazareth. Ne me laisse pas, je te prie. Ouais, Audrey, pardon. Ne me laisse pas. Ah, non. Non, Djoukoué, Audrey, ne me laisse pas. Ok. Non. Sors. Ouais. Sors. Non. Sors. La position que tu as prise est bonne, mon cher, c'est bien. Sors. Sors! Allez! Sors! Vomis-moi tout ce que tu as mis dans son ventre! Sors! Allez! Vomis-moi tout! Ton poison, ça sort! 1, 2, 3, c'est parti! Allez, c'est parti! Vomis-moi tous tes poisons, toutes tes substances que tu as données pour le nourrir. Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, allez. Il dit vomis toutes tes substances. Mets comme ça. Mariage, toi aussi. Toi aussi, je t'ai eu aussi. Tu croyais que moi, vous deux là, je vous ai eu. Je vous ai eu. Sors! Je l'ai marié. Je t'ai eu aussi. Tu as fait quoi, Julie Marielle? Ah, elle va pas s'en sortir comme ça avec sa copine là. Elle ne s'en sortira pas comme ça. Lui marié. Donc tu as touché toutes les familles. Marié, j'arrive. J'arrive marié. Sors. Oui, c'est moi, Jacques. Sors. C'est moi, Jacques. Oui, la tante de Marielle, c'est moi. Oh oui, c'est moi, Jacques. Qu'est-ce que tu veux, Jacqueline, c'est moi. Jacqueline, c'est moi, Élise. C'est toi qui as l'esprit de serpent. Élise. Oui. Élise, donc toi, aujourd'hui, là, tu me laisses. Sors. Donc toi, aujourd'hui, là, tu me laisses. Eh oui, laisse-moi, mais. Marielle ne me lâchera pas. Oui. Oui, Julie, tu ne me lâcheras pas. Ne la priez pas. Oui, Julie, tu ne me lâcheras pas. Oui. Julie, jusqu'à la mort. Donc tu as l'esprit de tout ça avec Jacqueline. Julie. Jusqu'à la mort, Julie, ta tante Marielle ne peut pas te laisser, je te le dis. Mouffez. Ah, vous êtes malade, vous là. Je vous dis, vous êtes malade, vous croyez quoi là? Vous croyez quoi là? Tu as fait quoi, Julie? Julie, t'as fait quoi? Vous croyez quoi là? Julie, t'as fait quoi? Toi, Julie Marielle. Tu crois quoi? Hein? Que toute la richesse du monde t'appartient? Tu sais ce que tu crois? Eh oui, t'as des bons maris, t'as un bon mari, des beaux enfants. Eh oui, avec ta copine Élise là, meuf idiote là. Meuf, tu verras ce que je te ferai. Tu verras. Donc tu veux les détruire. Oui, moi, Jackie. Parce qu'ils ont les bons cœurs. Jacqueline, c'est moi la reine. Vous savez ce que je suis sur cette terre? Non. Non, vous ne le saviez pas. Et vous ne le saurez pas. Mais quand tu vas. Parce que je suis une guerrière. Ok. Je suis une femme forte. Oui. Je suis celle-là qui obtient tout ce qu'elle veut. Oui. Tout ce qu'elle veut, c'est moi. Pourquoi donc tu veux des tuiles? Élise, ton cœur là. Ton cœur là. Ah non. Quelqu'un ne peut pas avoir un bon cœur comme ça. C'est là que je suis là. Comme ça, le bon cœur, tu veux les détruire. Oui, c'est pour ça que je suis là. Tu parce que les filles là, elles sont très bonnes. Hein. Je vous assure, elles sont bonnes. Oh, tu ne peux pas imaginer. Et donc, elles ont un cœur que tu ne peux pas savoir. Pourquoi tu es jalouse? Et à côté d'elles, tu fais comme tu si tu es la mère. Tu ne peux pas connaître le cœur qu'elles ont. Moi, j'ai décidé de vivre avec elles jusqu'à la fin de leur jour. Comment tu es entrée dans leur vie? Je suis entrée depuis longtemps. Depuis longtemps, lorsqu'elles vivaient au Carrefour Biémoisé, moi j'étais là. Et je les contrôlais, oui, je les contrôlais. Mais elle t'appelait sa maman. Je prenais la bénédiction et je continue de les prendre. Hein. Eh oui, personne ne m'en empêchera. Et quand tu pars, tu gardes le cadeau aux enfants. Tu gardes le cadeau aux enfants. Ah ouais, je m'en fous. C'est juste là comme ça. C'est juste pour voiler les yeux. Hein. Ah oui, c'est juste pour les voiler les yeux. Ok. Mais sinon, je ne les veux pas. Eh oui, je ne les espère pas dans ma vie. Elle t'aime sincèrement. Mais je m'en fous pour leur amour. Je m'en fous. Hein. Je m'en fous de leur amour. Je n'ai que faire de ça. Maintenant, tu vas savoir que je n'ai que faire de ça, non. Sors! Ouais, sors, allez, sors, tu laisses ta vie de mariée, Dieu. Tu laisses le mariage de mariée, même ouais, celle-ci. Ouais, Marielle, mets la main, Marielle, au nom de Jésus, Marielle, pourquoi? Sors, pourquoi tu fais ça? Pourquoi sors, tu fais ça, Marielle? Sors, fais attention, fais attention. Ah, sors, Julie. Au nom de Jésus, Nazareth. Oh, Julie, cette bonne fille. J'ai dit, tu vomis toutes les substances que tu as mis dans son corps. Julie, cette bonne fille. Hein? Au nom de Jésus Nazareth. Oh, Élise, toi aussi, hein. Sors. Toi aussi, hein, t'es une très bonne personne. Hein? Et tu veux la détruire. Mais moi, j'ai décidé de... Ah, tu ne peux pas savoir. Jésus, tu ne peux pas savoir. Jésus te veut hors d'elle. Ah, oh. Jésus te veut hors d'elle. Cette richesse-là, moi, j'ai décidé de prendre tout. Hein, tu prends tout pour faire quoi avec ça? Ah, tout pour moi seule. Pourtant, ce sont tes filles qui t'aiment. Eh oui, ah, je n'en ai pas besoin. Et c'est elle-même qui te dresse. Ah, j'ai pas besoin qu'elle m'aime. Ah, dis donc, laissez ça. Donc, quand tu viens à la maison, c'est les filles qui me laissent ça. Tu me laisses ça. Sors maintenant. Non, mais c'est quoi? C'est qui ça même? Sors. Oh, c'est qui là? Le Seigneur m'a envoyé. Mais tu me lâches, tu me lâches. Sors. Tu me lâches, moi, Jacqueline, tu me lâches. Sors. Oh, Jacqueline, c'est moi. Oui, tu es Jacqueline. Eh, oui, c'est moi. Je te commande, Jacqueline. Oh, laisse-moi tête, laisse-moi, laisse-moi, je te dis. Sors. Oh, oh, oh. Nom de Jésus Nazareth. Aïe, aïe, aïe. Nom de Jésus Nazareth. Ouais, c'est fort, c'est fort. Nom de Jésus Nazareth. Ouais, c'est fort. Nom de Jésus Nazareth. C'est fort, c'est trop fort. Allez, sors. Oh, c'est trop fort. Tu as dit que tu étais une guerrière. Tu vas savoir que je. Sors! Oh, ce feu me brûle! Oh, mon Dieu! Aïe, ça brûle! Sors! Oh, ça brûle! Sors! Ça brûle! Au nom de Jésus Nazareth! Ouais! Tu as vu de cette femme-ci aujourd'hui? Ouais! Ouais, mes pommes de main! Nom de Jésus Nazareth! Ouais, ma main! Sors! Pourquoi tu me fais ça? Sors! Ah non, t'es pas gentil! Sors! Ah, t'es pas gentil! Au nom de Jésus Nazareth! Oh! Oh, cet homme n'est pas gentil! Sors! Oh, cet homme n'est pas gentil. Tu quittes la vie de cette femme aujourd'hui. Ouais. Lâche ta vie. Je pars où? Sors. Ah non. Tu appartiens à un groupe de sorcières. Ouais, Marielle. Et tu quittes aujourd'hui. Ouais, Marielle. Tu as le serpent. Ouais. Qui absorbe les richesses des gens. Eh oui, c'est ça. Et tu dis que tu sais plus seulement pour te garder. Ah, tu le savais pas. Sors. Tu le savais pas, c'est ça. Tu fais mais... quand même ces serpents. Ouais, beaucoup d'argent. Pour avoir beaucoup d'argent. Tu as sucé les entrailles oui, des gens. Oui, beaucoup d'argent. Eh oui, bien sûr. J'en ai tué même. Tu as tué qui? Ah, sont plusieurs, je peux pas compter. Elles sont nombreuses. Mais quand on te voit, on voit que tu es gentil. Eh oui, c'est juste l'apparence. C'est juste l'apparence, mais ce qui est en moi, vous savez pas, vous savez pas. Ok, ta puissance est vous brisée. Vous ne saviez pas parce que je suis... Ah, voyez, ouais, on ne peut pas savoir Jésus Christ est Seigneur. Ah, tu ne peux pas savoir ce que je suis, laisse ça. Sors. Oh, mais tu me lâches. Sors. Ah, lâche-moi. Sors. Oh, lâche-moi. Sors. Allez. Ouais. Allez, allez, allez. Quitte Marielle. Quitte son corps maintenant. Marielle, Marielle. Toi là. Ah. Toi maintenant. Là. Toi là. Aïe. Sors. Aïe. Oh, quel genre. Je te commande de quitter. Tu lâches la vie de tous ces enfants. Ça même. Quel genre d'enfant ça. Quel genre d'enfant ça. Tous les enfants que tu as avalés. Pourquoi l'esprit là est aussi fort comme ça? Ouais, pourquoi ton corps là est comme ça? Tu ne vas même pas la tuer, ma vie. Ouais, l'esprit là est fort, Sors. C'est quel genre d'esprit comme ça qu'on t'a donné? Sors. Et je lui ai marié, Saka. Saka. Sors. Un Saka, Saka malade, Saka. Saka Marie, c'est même qui ça, non? Saka Marie. Donc tu ne vas plus dire Marie. Saka comme ça, là, Saka comme ça, là, qu'est-ce que je y ai, hein? Maman, si je pouvais te tuer, je l'aurais fait il y a longtemps. Je l'aurais fait il y a longtemps parce que tu m'énerves. Pourquoi tu n'as pas pu la tuer? Ah non, tu m'énerves, tu ne peux pas savoir. Mais parce que je n'ai pas pu. J'ai essayé. Tu vois que son Dieu te dépasse, non? Oh, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Son Dieu, ah, elle me dépasse, c'est son vrai. Son Dieu te dépasse. C'est vrai. Et aujourd'hui, donc tu lâches la vie de celle-ci. Ouais, c'est vrai. Je te commande au nom de Jésus Nazareth. Aïe, Élise. Élise, pourquoi? Sors! Ouais, Élise, pourquoi tu me fais ça, non, Élise? Sors! Ouais, ton cœur est bien, ton corps est bien pour moi. Pendant que les enfants t'aiment, toi, tu les déquilles. Ouais, Élise, non. Et tu en as tué, n'est-ce pas? Élise, tu es gentille, non? Sors! Ouais, Élise dit qu'il me laisse. Sors! Aïe, Élise dit qu'il me laisse. Sors! Qu'il me laisse. Sors! Laisse-moi. Sors! Sors! Sors! Sors! Fais attention, vous voyez comment elle dit, non? Sors! Sors! Sors! Non! Sors! Non! Sors! Toi, puissant de ténèbres, je t'ordonne au nom de Jésus Nazareth, tu sors! Tu sors, tu lâches la vie de ces enfants! Sors! Vomis-moi tout, tout! Vomis-moi tout, tout, tout, tout, tout! Tout, tout, tout, tout, tout, tout! Nom de Jésus Nazareth! Nom de Jésus Nazareth! Allez, allez, allez, allez, allez! Lâche-la! Vomis tout! Non, je suis Nazareth. Sors. Toi, esprit de ténèbres. Sors. Allez, allez. Allez. Allez, allez. Au nom de Jésus Nazareth. Tout est poison. Tout est poison. Tout est poison. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Vomis tout. Tout. Au nom de Jésus Nazareth. Sors. Vous voyez le sultan qui sort. Sors. Il y a toutes tes substances. Tu sors. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Tout. Il y a toutes les substances. Tu quittes sa vie. Elle ne mourra pas. Tu ne mourras pas là-dessus. Tu ne toucheras pas son mari. Ni ses enfants. Ouais. Tu es une sorcière. Ouais. Avec ton groupe oui, de sorcellerie. Je sais. Oui, t'avais ton groupe oh. de sorcellerie, tu ne veux pas le toucher. Ah, je te commande. Tu as voulu la tuer cette ces jours-ci. Mais tu n'as pas pu. Jésus-Christ est son Seigneur. Moi, je sais. Oui. Je vais tout faire. Tu ne pourras même plus. Pendant l'accouchement, je vais essayer. Tu ne pourras pas. Je vais essayer lorsqu'elle va accoucher. Tu ne pourras pas la toucher. Je vais essayer oh, de lui non. rendre sa vie là. Tu ne toucheras pas essayer. Sa vie. Je vais essayer. Je te commande. Je sais que non, je ne le ferai pas. Oui. Mais j'essaierai quand même. Sors. J'essaierai quand même. Sors. Parce que son enfant là est. Ouais, Dieu là, mais maman, j'avais déjà dit mal. Que. Oh, ouais, non, mais Dieu là, son Dieu, pas. Son Dieu est un grand Dieu. Ouais, son Dieu là, ouais. Oh Seigneur, pourquoi. Sors. Pourquoi tu fais sors. Ça vois-moi sa substance. Allez, allez, pourquoi allez, tu allez. Fais ça sors de sa gorge. Sors de sa gorge. Pourquoi tu vois toujours un sors de sa gorge. Sors de sa gorge. Oh Seigneur, pourquoi. Sors de sa gorge. Allez, allez, allez, allez, sors de sa gorge. Sors de sa gorge. Sors de sa gorge. Allez, sors de sa gorge. Sors de sa gorge. Sors de sa gauche, sors de sa gauche, sors de sa gauche. Allez, allez, allez, allez, allez. Allez. Allez, allez, allez. Sors de sa gauche. Bah Maria. Sors. Oh Maria, laissez-moi. Sors. Oh Sakao. Sors. Oh Sakao. Au nom de Jésus. Sors. Voilà les substances qui la rendent malade, le poison qu'elle donne dans la prière. Pendant qu'elle ouvre son âme dans la prière, on met le elle ouvre son âme dans la prière, on met la substance dedans. Tu peux prier contre les esprits, tu pries comme ça pour les esprits. Bah. Sors. Ouais. Sors. Eliso. Pourquoi tu au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi Elise fait ça? Au nom de Jésus ouais. de Nazareth. Elise Marielle. Allez, allez, allez. Lâche Elise Marielle. Allez, mets la main, maintiens. Allez, qui maintenant. Qui sors. Sors. Écoute bien cette voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, vous se fouez là sur moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, vous se fouez là sur moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, vous se fouez là sur moi. Écoute bien, tu ne peux pas. Allez, vous tu ne peux pas. Allez, allez, allez. Ouais. Allez. Au nom de Jésus de Nazareth. Ouais, papa. Au nom de Jésus de Nazareth. Ouais, papa, c'est qui m'a. Ouais, Jackie, tu deviendras quoi. Au nom de Jésus de Nazareth. Élie sans mariage. Au nom de Jésus de Nazareth. Élie sans mariage, tu deviendras quoi. Tu as pris la chance de ces deux jeunes filles là. Waouh, de deux jeunes filles très bonnes, hein, je vous dis. Au nom de Jésus de Nazareth. Elles étaient bonnes. Oh, allez, allez, lâche-la. Ah. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors, sors des sodels. Allez, allez, lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Aïe! Sors! Sors, sors, sors! Sors tous tes poisons, tous tes poisons! Oui, je vais plus donner! Sors, oui! Oui, je vais plus donner à manger! Je vais plus donner à manger! Tu vas nourrir à la songe dans les jambes, dans les jambes, dans les poisons! Pardonnez-moi! Oui! Excusez-moi, je vais plus lui donner! Voilà! Ouais, qu'elle accouche en paix! Oui! Qu'elle accouche en paix! Jésus est son Seigneur! Oh Seigneur, tu as gagné! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Allez, allez! Il dit même si tu sors tout et tu la lâches tranquille, tu laisses ta famille tranquille, sa santé tranquille. Sors! Sors! Sors! Tu fais que son mari dépense l'argent à l'hôpital, passe plus tard, dépense l'argent à l'hôpital. Trop de bénédictions pour eux là. Oui. Les deux filles là. Sors! Elles devraient être des grandes. Elles devraient être. Marielle, pour Marielle, elle t'a déjà battu, tu ne peux plus venir dans sa vie. Elles devraient être des très grandes dames, ouais. Oui. Ouais, mais j'ai refusé. Oui. Ah, de très bonnes amies. Tu prends, après tu te moques d'elle. Ah, depuis l'enfant, de très bonnes amies. Oui, elle t'appelait maman. Plus alors, que des sœurs. Alors que c'est toi qui l'as tue. Plus que des sœurs. Ouais, sors, sors, sors, sors, sors. Allez, allez, allez. Je me suis allez. Attachée en elle. Allez, allez. Ouais, c'est allez. La force. Allez. Je vis grâce à allez. La force. Ouais. Sors. Sors. Tu lâches tout ce qui les appartient. Là. Sors, il y met tout le poison. Et dans sa vie et dans la vie de Marielle. Et tout ce que tu as bloqué. Oui, Marielle. Vous voyez le sang, tout ce qu'elle vomit. Oui, Marielle. Non, mais je ne sais pas ça. Oui, Marielle. Sors, sors tout. Ah, Marielle. Sors. Ouais, après, Elise. Ceci. Elle va se sentir ouais, légère, légère. Élise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, Élise. Je te commande. Pourquoi tu fais ça, non? Allez, tu lâches ta vie. Ouais. Sors. Je te rends toujours malade. Sors. Malade tout le temps, c'est moi. C'est toi qui le rends malade. Oui, quand elle soit malade tout le temps. Pour que son mari dépense. Oui, bien sûr. Et ça te fait bleu, ouais, ça te fait marrer. Oui, je suis contente. Oui. Ah non. Maintenant, sors, je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Allez, allez, allez, allez, allez. Sors! Toutes tes maladies, tous tes instruments diaboliques. Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth, vomis tout, tout, tout. Toi qui n'es pas seulement, toi qui écoutes maintenant, je te commande. Ouais. Au nom de Jésus Nazareth, tu entends bien cette voix. Il met toutes tes substances, rien ne doit plus rester dans son corps. Ouais. Au nom de Jésus Nazareth. Ouais, pourquoi tu fais ça, non? Au nom de Jésus Nazareth, Jésus te veut hors de la vie. Sors. Ah, moi, c'est dur. Oui, tu es dur. C'est pour ça que je ne peux pas. Oui, je ne peux pas. Tu peux prendre les esprits sur Pluton. Ah, moi, c'est dur. Tu veux travailler avec ton Joël. Vous croyez quoi? Sors. J'ai renforcé ma puissance. Oui, oui, tu es allé là sur le planète. Tu es allé sur le planète. Oui, je suis allé. Oui, pendant que tu pries, tu passes sur le planète, tu peux te charger. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors! Cet esprit, il faut traiter ça durement parce que tu t'amuses avec ça. Ça, c'est le commando. Sors! Ouais! Donc, c'est un esprit comme les esprits des militaires ici. Ouais, tu crois que c'est facile? Sors! Tu crois que je serai aussi facile? Sors! Ce serait pas aussi facile? Oui, hein? Je sais. Ce serait pas aussi facile? Jésus vous a vaincu. Ah, moi, Jacques, non, tu me connais pas. Sors! Ah, tu me connais pas. Sors! Tu me lâches. Au nom de Jésus Nazareth! Ouais, lâche-moi maintenant, non? Au nom de Jésus Nazareth, tu sors de la vie de cette femme. Tu sors de sa vie. Après. Sors! Il dit maintenant, tu sors maintenant. Allez. Sors! Au nom de Jésus Nazareth! Au nom de Jésus Nazareth. Et tu ne reviens plus jamais dans leur vie. Je te rencontre encore dans un corps. Je t'enchaîne pour toujours. Allez, sors. Ouais. Sors. Ouais. Sors. Mets la main là-bas. Ouais, laisse-moi. Nom de Jésus Nazareth. Seulement dans sa tête, non. Non, tu ne restes plus. Seulement dans sa tête. Sors. Ouais, Elise, non. Sors. Nom de Jésus Nazareth. Ouais, Elise, tu me laisses à qui? Au nom de Jésus Nazareth. Ouais, Elise. Au nom de Jésus Nazareth. Ouais, Elise, ton corps là. Hein? Au nom de Jésus Nazareth. Ton corps là bien. Au nom de Jésus Nazareth. Ouais, Elise, non. Sors. Ouais, Elise, Audrey. Sors. Quoi? Ouais, Elise, Audrey, pourquoi? Sors d'elle. Ah, pourquoi? Saka. Sors d'elle. Saka, tout ça, c'est toi qui l'avais montré le type sino. C'est toi qui l'avais guidé chez le type sino, Saka. Ouais, Saka, tu me fais quoi de toi? Ouais, Saka, je ferai quoi de toi et tout ça, c'est toi. Tu ne m'aimes pas. Tout ça, c'est toi, non. Tu ne m'aimes pas. Oh non, c'est pas vrai, cette fille-là. Moi, je t'aime. Ouais, cette fille-là, je ne pouvais pas savoir. Elle a fait quoi? Ah non, elle est neuve. Elle m'énerve, tu ne peux pas savoir. Parce qu'elle a indiqué la maison. Ah non, mais elle a indiqué ça, pourquoi? Mais moi, je ne pouvais pas te garder pour elle. Hein. Jackie, moi, j'étais. Ah non, moi, je te déteste. Tu peux pas savoir. Jackie, moi, j'étais. Ah, si vous te coupez la tête, je le ferai. Moi, j'étais. Les deux, ça, c'est même qui ça. Fais génial. Fais génial de quoi même. Lâche-moi. Moi, j'étais. Ah, mais tu peux pas savoir comment je. Tu veux me tuer? Ça. Tu veux me tuer? La force me manque. Ouais! Quelle puissance en cet homme, quelle puissance. Oh! Pourquoi? Oh non, pourquoi? Donc, Sakata a déjà parlé de frère Junior. Qu'elle parle ou pas, je le sais. Est-ce qu'elle a besoin de me parler? Je sais tout ce qu'elle fait. Je connais tout. Hein. Donc, tu la contrôles. Ah, je vire. Ok. Je vire en elle, tu peux pas savoir. Maintenant, je te commande. Je vire en elle et je suis là. Je n'irai nulle part. Je te commande au nom de Jésus. Je sais. D'où elle va, je sais. Quoi qu'elle fasse, je sais. Quoi qu'elle programme, je connais. Je te commande. Et j'ai aussi mes puissances en moi. Oui, j'ai aussi mes puissances en moi. Okay. Qu'elle ne croit pas que c'est toi le plus fort. Uh-huh. Moi aussi je suis forte. Ah, tu es fort, hein? Moi aussi je suis forte. Tu connais la personne que moi j'ai. Moi. Oui. Tu sais que j'ai le feu, non? Laissez. Tu sais que j'ai le feu, non? Laissez. Tu sais que j'ai le feu. Ok, regarde seulement. Allez! Oui. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Jackie, je t'aime. Laissez. Jackie, je t'aime. Je te déteste. Moi je t'aime. Moi je t'aime pas. Pourquoi? Moi je t'aime, Jacqueline. Je t'aime. Et Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime, Jackie. Tu ne lui appartiens pas. Tu ne lui appartiens pas. Non, je ne l'appartiens pas. Mais viens à Jésus, alors, viens à Jésus. J'ai fait mon choix. Tu as fait ton choix pour quoi? Oui, je plais. Mais tu n'aimes pas Jésus? Non, j'ai fait mon choix. Mais tu sais dans les ténèbres, viens dans la lumière. Tu ne viendras pas à Jésus. Non. Mais Jésus t'aime. Jésus t'aime. Non, pourquoi c'est ce nom-là? Non. Moi, je l'aime pas. Je veux pas, j'ai fait mon choix, moi. Tu ne fais pas de Jésus. Ah non, j'ai fait mon choix. Eh oui, j'ai fait mon choix, la puissance des ténèbres, j'ai fait mon choix à choisir. Alors, tu m'obligeras pas à faire un autre choix, non? Ah non, je te dis non, tu m'obligeras viens pas. Viens dans la lumière, tu auras la vie. Oh non, je veux pas de cette lumière-là. Je dis, je veux pas. Tu veux la puissance de la lumière. Ne m'en parle plus. Sors! Oh non, je m'en parle plus. Mais moi, je t'aime. Ah non, laisse-moi, je t'aime pas, moi, je t'aime pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, je t'aime pas, moi, je t'aime pas. Oh, Jackie, je t'aime. Oh, je t'aimerais pas, je t'aimerais pas. Moi, je t'aime. Oh non. Jésus m'a demandé de me faire. Non, tu me fais du mal. Je t'ai fait du mal? Oui, tu me fais trop de mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, tu me fais trop de mal. Oh, voilà mes deux enfants précieux. Tu me laisses en l'air, pourquoi? Ah, Marielle. Je te les laisse. Élise. Je te les laisse. Tu me laisses en... Oui, bien sûr, je te prie, je t'en supplie. Mais Jésus les veut pour elles me sont précieuses, tu ne peux pas savoir. C'est la source de pouvoir avoir ton argent. Tu ne peux pas savoir. Oui, ah, tu ne peux pas savoir. La puissance là, la force là, c'est ça qui me donne. Oh, la grandeur. La grandeur, je te dire. Donc maintenant. Ah, je prends en elle. Tu viens à Jésus, n'est-ce pas? Oh, je puce mon énergie tu en elle. Tu puces l'énergie en elle. Oui, bien sûr. Et tu touches les mariages. Ah non, ces deux filles-là, tu ne peux pas savoir. Elles sont puissantes, n'est-ce tu pas? Tu ne peux pas savoir. Les sources de elles ont le cœur de. Oh, elles ont un cœur où tu ne peux pas. Tu es content d'y vivre, hein, je te dis. Oh. Okay. Le corps là, elle est si douce, elle ne s'est pas fait de mal. Mm. Mais pourtant, je suis là. Moi, je suis. Moi, si. Okay. Moi, si, j'en fais. Jackie, moi, je t'aime. Et je profite de le corps là. Hein. Oui. Jackie, moi, je t'aime. Ouais, Jackie, Marielle. Jackie, je t'aime. Ouais, Marielle, pourquoi tu fais ça? Jackie, je t'aime. Ouais, Élise, pourquoi tu fais ça? Élise, Jackie, je t'aime. Je t'aime. Je te commande au nom de Jésus que je t'arrête de sortir maintenant. Ouais, j'ai dit que. Je te commande de sortir maintenant. Laisse-moi le temps. Laisse-moi sors. Le temps. Ah non. Sors. Ouais, laisse-moi le temps, s'il te plaît. Sors. Il n'y a plus de ouais, je t'en, t'en supplie. Laisse-moi un peu de temps. Sors. Un jour, deux jours. Sors. Trois jours. Tu sors maintenant. Oui, trois jours, c'est suffisant. Sors maintenant. Trois jours, c'est suffisant parce que j'ai une mission à accomplir. Sors attends, je te dis. J'ai une mission à accomplir avec elle. Ces deux filles-là. J'ai une mission à accomplir avec elle. Mais laisse-moi deux jours, je te dis. Mais je demande juste deux jours. Mais sois pas méchant. Oh, ne sois pas méchant. Sois pas méchant. Ouais, ne sois pas méchant. Oh, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Mais t'es trop méchant. Oh, t'es trop méchant. T'es méchant. Ouais. Ah, Junior. Ah, Junior. Oui. Je te parle en bafant maintenant. Tu veux que je te parle en bafant pour que tu puisses m'écouter? Mais pourquoi tu ne veux pas me comprendre? Mais je te demande juste deux jours tu parce que j'ai une mission à accomplir avec elle. Tu veux faire quoi? Oui, ces deux corps la mettent tellement tu ne peux pas savoir. Et j'ai une mission à accomplir. Sors! Ah, Junior? Sors! Ah, Adi, oh. Sors! Oh, non, non, non, non. Ouais. Sors! Ouais, c'est type méchant. Non, mais je suis méchant. C'est type méchant. Sors! Je suis méchant. Trop. Sors! Sors! Non, mais je suis de Nazareth. Sors! Non, mais je suis de Nazareth. Bah! Sors! Ouais. Elle est remplie de puissance. Bah. Toutes les puissances que vous voyez. Ouais. Ouais, maman. Sors! Moi je suis forte. Hein. Oui, tu es forte, je sais. Tu peux savoir où je puisse cette force. Mais Jésus est Seigneur. Ouais, maman. Sors! Mon démon aussi réforme. Mon démon aussi réforme. C'est pas n'importe qui. On va couper la tête du serpent. C'est pas n'importe qui. Hein. Mm-hmm. Ah oui. On va couper la tête du serpent pas là aujourd'hui. Tu peux imaginer ce qu'il a déjà fait. Tu ne peux pas savoir ce qu'il a fait. Non, mais Jésus de Nazareth. Ouais, maman. Non, mais Jésus de Nazareth. Ouais, à Christian. Christian. Non, mais ouais, à Christian, j'ai dit que je vais te détruire, Christian, afin que tu laisses Marielle. Christian. Tu veux gâter le mariage. Christian, hein? Où es-tu, Christian? Tu ne peux pas le toucher. Christian. Tu sais qu'il est, il est invisible pour Christian, toi. Christian, j'ai voulu, oh, j'ai voulu que tu sois l'homme que je désire. Ouais. Et afin que Marielle puisse être mon esclave. Mmh. Mais toi, là, tu dis, je crains Jésus. Tu crains Jésus, hein? Tu préfères craindre Jésus, Christian? Tu le préfères? Hein? Alors que si tu me suivais, tu devais être un homme bien. Je devrais te donner beaucoup d'argent. Mais t'as refusé, toi. Mais t'es tête de nul là. Sors. Sors. Ah non. Sors. Cet homme-là, mais c'est un idiot là. Je vous assure, il est un idiot. C'est un idiot. Il a préféré suivre Jésus et perdre toute sa fortune. Oui. Il a tout perdu. Sa famille s'est tout accaparée. Ils se sont accaparés. Sors. Ah oui, et là, moi aussi, j'y étais. Par ma force aussi. Vous croyez que ça s'est passé seul? Vous croyez ça? Non, c'est toi qui as manigancé. Oui, moi aussi, j'étais là. Eh oui, j'étais aussi là. Moi aussi, j'ai manigancé. J'y étais pour quelque chose. Et tu as manigancé pour quelque chose? Arrête tout ça pour qu'ils me suivent. Okay. Pour que tous deux me suivent. Bon, si tous deux te suivent, mais ils ont refusé. Ils ont refusé. Ah non, beaucoup de chemin. Ma puissance des ténèbres là, vous croyez que ça ne prend pas? Sors! Au nom de Jésus de Nazareth! Ouais. Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus ouais, de Nazareth! Ouais, Marie, si tu pouvais te séparer de cette fille d'Élise, là où je prends une personne, là où moi je reste avec une personne, non? Au nom de Jésus de Nazareth! Tu voulais me laisser tous les deux, non? Tu l'as quitté? Ouais! Allez, sors! Allez! Il dit, mais tu sors tout ouais, au quartier, bien moi si, j'avais fait les choses. Tu avais fait quoi? Ah, beaucoup de choses. Tu as tué les jeunes filles. Au quartier, bien moi si. Tu as tué les jeunes filles. Ah oui. Tu as bouffé même les enfants. J'ai anéanti leur vie, Et je n'étais pas seule. Hein. Oui. Et je n'étais pas seule au quartier, non, bien moi si, nous étions nombreuses. Oh, nous étions nombreux, hein, je ne sais pas ça. Bien moi si. Oh, les détruiseurs, tous les jeunes filles qui étaient là, on a fait le destin entre nos mains. Et puis on savait, ah non, tu ne peux pas savoir, c'est nous qui les dirigeons. Donc vous les mettez à la prostitution dans oui, la ah non, mais bien vous sûr. Vous gâchez la vie. Ah. Sors Mathé, oui Mathé, toi aussi tu es dedans, Mathé. Mathé, toi aussi tu es dedans. Bon, tu fais semblant d'aimer Julie. Tu es chez elle chaque jour. Tu es chez Marielle chaque jour. Tu envoies ta fille chez Marielle. Chaque jour, Mathé. Tu envoies ta fille chez Marielle. Tu fais semblant avec elle alors que tu es avec moi. Sors! Toi aussi tu es dedans. Mathé, Julie, sache que je ne suis pas seule. Mathé aussi ne te veut pas du bien. Mathé aussi est jalouse de toi. Mathé aussi est chez toi tout le temps. Ce n'est pas pour rien. Parfois c'est moi qui l'envoie. Parfois c'est moi qui l'envoie. Elle vient te détruire. Elle vient prendre la sagesse de tes enfants. Elle vient prendre ma Thérèse. Ne pense pas que je vais te laisser. Je te dénonce aussi. Je te dénonce aussi. Tu ne veux pas partir seule. Non, je ne partirai pas seule. Elle aussi, elle est diabolique. Oui. Elle est méchante. Elle est méchante, n'a pas le bon cœur avec Marielle. Oui, mais elle a refusé de parler votre puissance. Elle n'a pas de bon cœur avec Julie. Mais elle a refusé de parler votre puissance. Ah non, quelle puissance, dit-on. Elle a refusé de parler votre puissance. Elle en a pris, que je te dis, si elle t'a dit qu'elle n'a pas pris. Non, elle a pas pris. C'est a pris, son hein. problème, je te dis qu'elle en a pris, je suis avec elle. Toi, tu es le seul. Je suis pas une menteuse, je te dis ce qui est vrai. Oui. La preuve en est que je t'ai révélé tout ce que je sais. Oui. Mais je te dis qu'elle vous a trompé. Oui. Si elle fait semblant d'être avec vous, tant pis, si vous voulez, vous la croyez. Mais je vous dis, elle a fait moire. Hein. Ah, elle a fait moire. Toi, hein. Tu as le elle a vu le monde des ténèbres. Et elle a quoi? Oui, elle aussi. Oh, je ne dirais pas ça à elle. Non, c'est à elle. Elle doit dévoiler. Toi, tu as le serpent, n'est-ce pas? Elle doit se convertir, elle doit dire. Ton serpent, si elle accepte le Seigneur Jésus, qu'elle soit sincère hein, oui. et qu'elle dévoile tous les secrets, qu'elle dise ce qu'elle a fait. Oui. C'est qu'elle a déjà aussi fait à Marielle qu'elle le dise. Hein, oui. Parce qu'elle a fait beaucoup de choses, je ne suis pas seule. Hein. Oui. Ah, mais qu'elle déclare aussi pourquoi. Ça pourquoi elle ment, pourquoi elle veut mentir. Ça vous profite mais pourquoi elle veut se couvrir au nom de Jésus? Pourquoi elle veut se couvrir dans le nom de Jésus? Moi, je me couvre pas. Moi, je dis ouvertement que ce Jésus-là, je ne l'aime pas, j'ai fait mon choix. Mais pourquoi elle prend de côté? Mathé, ne sois pas comme ça, Mathé, non, mais c'est pas gentil. Sors de côté, pourquoi? Sors non, pourquoi? Allez. Allez. Ouais. Ton serpent te sert à quoi? Ouais. Ton serpent te sert à quoi? Bah, voilà, Jean. Pour avoir l'argent. Ah oui, avoir l'argent. Mais tu sais que bientôt tu vas bientôt avoir mourir. Avoir l'argent construit au Cameroun. Oui. Être. Oh, être bien vu. Être la grande femme dans ma famille. Mais tu veux que tu distribues l'argent. Oui, que je commande tout le monde. Oui. Tu aimes l'autorité. Oui, ah, oh, tu ne peux pas imaginer comment j'adore l'autorité. Hein? Oui. Ah oui, la grande tu femme. Tu aimes quand on passe, on te respecte. La grande Jacqueline, c'est moi. Eh, hey, moi, tu peux pas. Ah, moi, tu peux savoir, te dire. Tu vas connaître le pouvoir que ça me donne. Mmh. Oh, la tu leur donnes l'argent pour les soumettre à toi. Oui, hein, comment? Sors! Sors! Marielle, Marielle. Sors! Toi et toutes tes petites sœurs là. Toi et toutes tes petites sœurs là. Tu vois le sang, n'est-ce pas? Je vous commande, vous tous. Sors! Ah, je vous commande. Sors! Au nom de Jésus Nazareth. Hélène. Au nom de Jésus Nazareth. Hélène, c'est même Kino. Elle veut lever la tête comme Marielle. Mère. Non, je l'ai déjà anéanti. Ah, cette fille-là. Au nom de Jésus Nazareth. Allez. Allez. Quitte son ventre maintenant. Quitte son ventre. Ouais. Quitte son ventre. Oui, je suis fatiguée. Quitte son ventre. Comme tu peux constater, je suis fatiguée. Oui, quitte ton ventre maintenant. Ouais, c'est ton non, temps. C'est on a dit quitte maintenant. Ouais, laisse-moi, c'est pour notre. Je suis au fatiguée. Au nom de Jésus Nazareth. Ouais. Au nom de Jésus Nazareth. Ouais. Tu quittes sa vie. Ouais, tu m'as combattu. Oui, tu as vu toutes les substances que tu avais dans son corps. Tu m'as tellement fouetté, je ne sais même plus. Au nom de Jésus Nazareth. Ouais, tu me fous toujours. Au nom de Jésus Nazareth. Ouais, Seigneur, oui, laisse-moi, je m'en sors. Oui, je m'en vais. Sors. Oui, je m'en vais. Sors. Fais attention. Jackie. Sors. Jackie. Sors. Jackie, pas où? Sors. Jackie, pas où? Fais attention là. Sors. Sors. Jackie, tu vois? Sors. Jackie. Bye. Sors. Sors. Sors. Je te laisse, Ellie, je te laisse. Sors! Oui, Ellie. Sors! Sors! Oui, Ellie. Sors! Oui, Ellie, je te laisse. Sors! Bonne chance, Ellie. Sors! Sois béni, Ellie. Sors! Sois béni, Ellie. Sors! Oui! Sors! Oui, non, de Jésus Nazareth. Non, de Jésus Nazareth. Sors! Oui, Ellie. Sors! Oui, Ellie, je peux. Oui, Ellie, tu as gagné. Sors. Oui, je sors, je te cure. Sors. Je sors, mais je sors. Je sors. Qu'elle soit bénie. Sors. Je sors, qu'elle soit bénie. Je ne veux plus te voir dans leur vie. Oui, qu'elle accouche en paix. Oui. Oui, qu'elle accouche en paix. Allez. Lâche sa main. Non, de Jésus Nazareth. Non, de Jésus Nazareth. Non, de Jésus Nazareth. Sors. Sors. Sors. Allez, plus jamais dans son corps. Plus jamais dans son corps. Toutes tes maladies, toute infirmité causée dans leur vie, c'est la fin aujourd'hui. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. C'est ça que je veux. Sors! Sors! Parce qu'elle va être violente en ce moment maintenant. Sors! Sors! Sors! Sors! Allez. Reste là. Ne bouge pas. Sors! Sors! Sors! Allez, vomis cette dernière substance là. Allez. Fais ça qui tombe maintenant. Allez, 1, 2, 3. C'est parti. Allez! Au nom de Jésus de Nazareth. Allez. Tout. Aïe. Aïe. Aïe. Au nom de Jésus de Nazareth. Aïe. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. J'ai levé sa tête. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Sors. Sors. Reçois toute ta richesse. Sors. Oui, je te remets toute ta richesse. Tu quittes son mariage. Je te remets. Allez, maintenant, un de toi, c'est parti. Je te remets toute ta richesse. Un. Ouais, je remets tout le. Deux. Mais laisse-moi, j'ai remis, non? Trois. Mais j'ai remis tes choses. Maintenant, tu quittes. Allez, tu pars. Oui, je m'en vais. Tu pars. Oui, je m'en vais. Vous m'aviez vaincu. Oui. Vous m'aviez vaincu. Tu pars. Allez. Oh, vous êtes fort. Allez. Ouais, Marie, oui, vous avez gagné. Jésus-Christ est Seigneur. Ah, oui, il est Seigneur. Oui. Ah, je reconnais cela, je sais. Je reconnais. Allez, maintenant, sors. Je reconnais qu'il est Seigneur, mais j'ai choisi. Oui. J'ai fait mon choix, moi. Oui, sors maintenant. Bah, sors. Je m'en vais. Je m'en vais. Allez. Qu'elle reprenne. Un. Qu'elle reprenne sa vie. Deux. Qu'elle reprenne sa richesse. Trois. Qu'elle reprenne tout. Allez. Qu'elle reprenne tout. Reprenne. Sors. Oui, ton mariage reprend, ta richesse reprend. Sors. Ta santé reprend. Allez. Oui, sois béni. Qu'elle soit bénie. Sors. Ouais, tout son argent. Quitte la maintenant. Ouais, la main. Ouais, la pomme de main. Quitte la maintenant. Ouais, ça chauffe. Quitte. Ouais. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Allez, c'est parti. Oui, c'est pas, parti. Allez. Pas. Allez. Et demande partie d'elle, pas d'elle. Pas d'elle. Allez. Maintenant pas. Allez. Ah, le type, c'est quand je dis que je veux pas une bombe, tu fais même semblant, il ne peut pas accepter. Ouais, le type, c'est même quelle force, c'est ça, non? Ouais, je fais semblant que je suis parti. Je me cache dans ses narines, jusque-là, il voit. Ouais. Sors! Ça m'aide. Ouais, c'est même quelle force qu'on a mis en toi comme ça, non? Ouais, Seigneur, c'est même quoi, non? Allez, sors! C'est même quoi, non? Sors! Yes. Sors! Lâche-la maintenant! Oui, le feu! Sors! Le feu me... Au nom de Jésus de Nazareth! Le feu me brûle! Sors! Allez! Sors! Allez, maintenant! Un! Deux! Au nom de Jésus de Nazareth! Allez, c'est parti! Sors! Sors. Ouais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, maintenant c'est parti. Hey. J'enlève. Oui. Attends, j'enlève. Hey. Ce que j'ai mis. Attends, je pars avec. Enlève. Je peux pas laisser ça, non, et partir. Enlève. Pas, laisse-moi un peu de temps, non? Sors! Quand je me concentre, j'enlève, je pars avec. Non, tu n'as pas appelé la puissance. Je m'en irai avec. Maintenant, sors maintenant. Ouais, attends, j'enlève, non? Attends. Je te commande au nom de Jésus de Nazareth. Oui, je sais que tu me commandes, oui. Je sais. Allez, sors maintenant. Ah, je sais que tu es fort. Sors! Laisse-moi. Sors! Aïe, oh, le feu. Sors! Sors! Tu fais comment? Ouais, le feu. Sors! Ouais, le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, c'est parti. Tu pars maintenant. Tu pars maintenant. Oui. Allez. Sors. Sors. Patrice. Sors. Ah, Patrice, mon mari. Sors. Patrice. Ouais, toi, un idiot comme ça. Qu'est-ce que Patrice m'a fait? Sors. Chien comme ça, mais... Sors. Sors. Ouais. Sors. Sors! Pitié, au contraire. Ouais, Patrice. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, Patrick, j'ai de la pitié pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pouvais savoir ce que ça, ta femme fait. Tu pouvais savoir. Oh, Patrice. Ah, je vous laisse, vraiment, je vous laisse. Allez, allez. Ah, je vous laisse. Allez. Allez. Hey. Hey. Sors. Oui, je m'en vais. Oui, pour de vrai, pour de vrai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, ah oui, pardon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, oui, oui. Au nom de Jésus de Nazareth. Ah, le feu l'a fini sur parti. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi, lève-toi, elle est libre. Doucement, aide-la à lever. Qu'elle voit les dégâts qu'elle a causés ici avec les vos messieurs. Doucement, doucement, vraiment doucement, doucement. Dis-lui, ma soeur, tu es libre au nom de Jésus. Mettez-la sur la chaise où il y a la mousse là. Puisse bien s'asseoir. Sur la chaise là. Doucement, doucement. Non. Est-ce qu'elle pourra bien se reposer là-bas? Amenez la baisse à soi pour qu'elle puisse bien s'allonger. Doucement. Doucement. Amenez le ventilateur là où vous mettez le ventilateur. Ah, on a coupé la lumière. Ah, Afrique. Cameroun. Ne suis pas encore. Il faut qu'elle voie tout le dégât là. Ne suis pas encore. Patient. Assieds-toi à côté de là, tu lui fais un peu de lait. La sœur là. Bonjour. Oh, bonjour la sœur. Applaudissez pour la sœur, applaudissez pour la sœur. Oui, applaudissez pour la sœur. Ça va? Oui, mon frère. Ça va, ma sœur? Ça va, ma sœur? Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen. Comment tu te sens? Donne-lui un truc à l'entrée de lui parce qu'elle va cracher. Mmh. Regarde tout ce que tu as fait là-bas. Qui a vomi comme ça? Tu as vu ça? Tu es libre, d'accord? Tu es libre. Allonge-toi derrière. Arrange le sang. Voilà, allonge-toi. Après ça, elle se lave, elle se repose, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.